le parfum qui t'élue, la beauté de ton nom, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Pour répondre à cette question, qu'est-ce que l'éthique ecclésiastique? Je vais d'abord prendre chaque mot. L'éthique, c'est la science de la morale. C'est celle qui a pour but d'indiquer comment les êtres humains doivent se comporter entre eux, comment ils doivent agir, comment ils doivent être envers eux-mêmes et envers ceux qui les entourent. Donc, l'éthique, c'est tout simplement... L'éthique ecclésiastique, c'est tout simplement comment est-ce qu'on doit se comporter dans l'Église. Comment est-ce qu'on doit agir dans l'Église? Comment est-ce qu'on doit être dans l'Église? Quel est l'environnement qui doit prévaloir autour de l'Église? Donc, l'éthique ecclésiastique, en un mot, c'est l'ensemble des règles de conduite de l'Église. Comment se comporter? Comment agir? Comment être entre nous, chrétiens, et envers les autres? Dans 1 Timothée 3, verset 15... La Bible dit, mais afin que tu saches que si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Paul écrit donc à Timothée l'une de ses dernières lettres et il tient à mettre un point d'honneur particulier sur la façon dont l'église est censée fonctionner. Et ce que l'apôtre Paul écrit, ce ne sont pas des suggestions qu'il donne à Timothée ou des conseils. Il lui donne des ordres de la part de Dieu à l'Église. Parce que à ce moment-là, il y avait beaucoup de faux enseignements et de doctrines qui circulaient dans la ville d'Éphèse. Donc Paul tenait à rassurer Timothée pour qu'il puisse rester dans la saine doctrine. C'est pourquoi Dieu veut s'adresser à des Timothées également ce soir. Timothéos, Timothée, ça veut dire des gens qui aiment Dieu, des gens qui ont à cœur d'honorer Dieu, non seulement par leur comportement, mais aussi par leur parole. L'Église de Jésus a un seul règlement intérieur, qui est la Bible. Amen. Donc, quand on parle de l'éthique ecclésiastique, nous parlons du règlement intérieur de l'Église de Jésus-Christ. Le règlement intérieur, c'est la Bible. Nul n'est besoin qu'une Église, à côté de la Bible, écrive encore un autre règlement intérieur. Il y a des Églises qui ont les règlements intérieurs. C'est pourquoi ils disent que chez nous on fait comme ça, chez nous on fait comme ça. Ça ne vient pas de Dieu. Si tu donnes un règlement intérieur autre que la Bible, ça signifie tout simplement que tu es en train de dire que la Bible n'était pas parfaite. On n'a pas besoin d'un autre règlement intérieur. Le Nouveau Testament a répondu à toutes les questions. L'éthique morale par rapport à la moralité, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, l'éthique ministérielle, qu'est-ce qui est bien dans le ministère, qu'est-ce qui ne l'est pas, l'éthique organisationnelle, comment l'Église est censée fonctionner, cela a été donné. L'éthique spirituelle, cela a été donné, comment gérer sa relation avec Dieu. L'éthique maritale, comment aborder la question mariage, cela a été donné dans les Épîtres, dans le livre des Actes des Apôtres. L'éthique familiale, comment gérer la famille, comment gérer les enfants. L'éthique sociale, comment se comporter envers son patron, comment se comporter envers son professeur, comment se comporter envers ses parents. L'éthique socio-professionnelle a été donnée. Comment un chrétien travailleur doit-il se comporter dans son lieu de service? La Bible a répondu à toutes ces questions. L'éthique vestimentaire, comment est-ce qu'un chrétien, une chrétienne doit s'habiller? L'éthique financière, comment un chrétien doit gérer son argent? L'éthique matérielle, comment un chrétien doit gérer ses biens? Cela nous a été donné au premier siècle. Et cette éthique n'est pas modifiable. Cette éthique est applicable dans toutes les générations. Nous n'avons pas le droit de changer quoi que ce soit là-dedans. Mais malheureusement, cela a été modifié, déformé et remplacé par une foule de choses qui sont étrangères au Saint-Esprit et constituent des taches et des rides sur l'Église du Seigneur. La règle de Dieu n'est nullement contraire au Dieu de la règle. Et l'une des expressions parfaites du standard de Dieu, c'est la perfection. Donc l'éthique ecclésiastique, la façon dont l'Église est censée fonctionner en général et dans tous les domaines en particulier, Dieu exige la perfection. Amen. Très bien. Il exige la perfection et je vais leur donner les versets bibliques suivants. Allez-y très rapidement. Matthieu 5, 48, 1 Corinthiens 2, 6, Philippiens 3, 15, Colossiens 4, 12, Jacques 1, 4, Colossiens 1, 28, je reprends Matthieu 5, 48, 1 Corinthiens 2, 6, Philippiens 3, 15, Colossiens 4, 12, Jacques 1, 4, Colossiens 1, 28 et également 2 Corinthiens 13, 11 et Éphésiens 4, 11 à 15, où la Bible parle du perfectionnement. Donc, pour finir, je dirais ceci, soit tu passes maintenant par la dure épreuve de la réforme finale, soit tu passeras par la cruelle épreuve de la grande tribulation. L'éthique ecclésiastique. Je souhaiterais que le frère Olivier puisse revenir sur l'un des paliers de l'éthique qu'il a expliqué, l'éthique ministérielle. Que dit la Bible au sujet du ministère? Très bien. Au sujet du ministère, le mot ministère apparaît dans la Bible à 27 reprises. Je ne vais pas donner tous les passages parce que il faut aussi que vous cherchiez. Amen. Si on vous donne tout comme ça, sans que vous cherchiez, on ne vous aide pas. Et soyez comme les chrétiens de Bérée qui creusaient dans les Écritures pour examiner si ce qu'on leur disait était conforme à la parole de Dieu. Le mot ministère apparaît à 27 reprises dans le Nouveau Testament, au singulier. Ministère dans le grec, c'est diakonia. Diakonia qui signifie service, assistance. Ça signifie également exercice d'un don particulier pour répondre à un besoin qui va profiter aux autres membres du corps du Christ. Ça signifie également office majeur suscité par Dieu et que doit exercer une personne que Dieu a appelée pour ce but-là. Donc, le ministère biblique, ouvrez largement vos oreilles, n'est pas une institution. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, comme il y a peut-être une institution, organisation de ceci ou de cela, ou association de ceci, qui a un statut, le ministère biblique n'est pas une association, ni une institution. C'est pour cela que si vous vous réunissez sous un cadre et vous dites que notre ministère s'appelle ceci, c'est déjà la faute. Quand le Seigneur a commencé à m'enseigner ceci, l'œuvre à laquelle je travaillais, où je pensais être le père fondateur, Dieu m'a dit que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de père fondateur de ministère et que le ministère n'est pas une institution. Enoch Generation Ministry. Je pensais être le porteur de vision. Le Seigneur m'a dit, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de porteur de vision. Et le Seigneur m'a dit qu'il peut susciter une œuvre par n'importe qui, sans que tu réclames la paternité de l'œuvre. Vous voyez, le jour où l'Église naît, c'est Pierre que Dieu utilise pour prêcher premièrement. Mais on n'a pas dit que ça, c'est le ministère de Pierre, Peter Ministry, machin, et tout ça. L'erreur que les gens font aujourd'hui, c'est qu'on bâtit un ministère sur le témoignage d'une personne. Dieu m'a délivré des démons, alors j'ouvre le ministère, Deliverance Ministry. Ce n'est pas biblique. Parce que quand le ministère de Dieu veut reposer sur la vision de quelqu'un, alors il sera déséquilibré. C'est pourquoi vous allez voir dans certains endroits, on parle seulement du diable. Parce que ce qu'ils disent là-bas, c'est qu'on a reçu la révélation sur la délivrance. Non, dans une église biblique, tous les ministères, c'est-à-dire les services pour l'édification du corps de Christ, doivent fonctionner. Or, si tu es sous une personne qui dit que lui, il a reçu la vision pour la délivrance et que toi, tu veux parler de la sanctification, on va t'étouffer. Or, la Bible dit qu'on ne doit pas prêcher une partie de la Bible. On doit prêcher la totalité du conseil de Dieu. Or, un seul homme ne peut pas avoir la totalité. Vous êtes d'accord avec moi? Or, quand le ministère repose sur la vision d'un homme, quand tu vas venir lui dire que le Seigneur dit plutôt de silence d'abord, il va dire, tu étais là quand Dieu me parlait, tu étais là quand Dieu donnait la vision. Mais regardez bien, Pierre est le seul à qui Jésus a dit, paix mes brebis. Mais quand un problème est survenu dans acte 11, dans acte 10, Pierre est parti manger avec Corneille, il était chez les païens. Les disciples, la Bible dit que les disciples ont fait des reproches à Pierre. Nulle part, vous avez vu où Pierre a dit que vous ne savez pas que je suis votre évêque, vous ne savez pas que je suis le porteur de vision, vous étiez là. La Bible dit que Pierre leur a expliqué doucement. Ça veut dire que Pierre avait un rôle. Ce n'est pas comme aujourd'hui où il y a le surintendant, celui qui est à la tête du ministère. Le ministère n'est pas une institution. Le ministère n'est pas une organisation. Parce que, mes frères et sœurs, toutes les organisations religieuses vont entrer dans le mouvement qui est appelé l'œcuménisme. Et ce mouvement-là sera dirigé par le faux prophète. Si vous allez faire des recherches sur Internet, vous tapez les églises membres du conseil œcuménique. Vous allez voir beaucoup d'églises pentecôtistes dedans. Toutes ces églises-là vont prendre la marque de la bête. C'est pour ça que Dieu ne veut pas que l'église soit que l'État entre là-dedans. Donc l'église n'est pas une institution parce que toute institution a le droit d'être contrôlée par l'État. Amen. L'église n'est pas une institution. C'est pour ça qu'on ne doit pas mettre une plaque et chercher l'autorisation de fonctionnement. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit quand vous réunissez chez vous, dans la maison. C'est pour ça que quand vous êtes dans les bâtiments, à un moment, on va vous demander l'autorisation. Mais quand vous êtes dans les maisons, on ne peut pas t'empêcher de faire ta réunion chez toi. Vrai ou faux? C'est pour ça que le Seigneur voulait que l'église se réunisse dans les maisons. Et permets-moi de présenter, le ministère n'est pas une dénomination. Le ministère, c'est le service rendu par quelqu'un qui a été appelé par Dieu pour un but précis. Exemple, si je veux parler de mon ministère personnel, Paul a parlé de son ministère, il a dit « je glorifie mon ministère ». Chaque chrétien a un ministère. Maintenant, mon ministère, c'est le service que je rends. Je ne peux pas dire mon ministère est à Bepanda, mon ministère est à Aquano. Non, si je suis devant vous au cinéma l'Éden, alors je suis en train de rendre ministère ici. Donc mon ministère, c'est le service que je rends en direct. Quelqu'un comprend ça? On ne peut pas dire notre ministère, c'est là-bas ou notre ministère, c'est là-bas. Le ministère n'est pas localisé géographiquement. Le ministère, c'est le service que les individus rendent pour le corps de Christ. Donc, et le ministère, c'est donc le rôle qui est joué par quelqu'un et non une institution fondée par un père fondateur. Dieu peut initier une œuvre par n'importe qui. Dans Jean 4, Dieu a initié le réveil en Samarie et la réconciliation entre les Juifs et les Samaritains par une femme. Mais la femme, on n'a pas vu nulle part où elle est venue dire que c'est ma vision. Au contraire, les gens que le Seigneur a utilisés pour les amener dans la foi, ces gens ont dit que nous, ce n'est pas ce que tu nous as dit qui nous convainc. Nous-mêmes, on l'a expérimenté et nous savons qu'il est le sauveur du monde. Ils avaient une vision de Jésus plus grande que celle de la Samaritaine. Imaginez donc s'ils se reposaient sur la vision de la Samaritaine qui était un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Eux, ils n'ont pas vu en Jésus un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ils ont vu en Jésus le sauveur du monde. Or, tu peux être avec quelqu'un, tu travailles avec lui, il va te dire que non, alors que Dieu te montre quelque chose que lui ne voit pas. C'est pourquoi l'église, ce n'est pas un homme, c'est un corps. Alléluia. Le pied peut orienter là-bas et le pied aide la main et ainsi de suite. Et l'église de Jésus a une seule tête, c'est Jésus lui-même. Amen. Donc il n'y a pas de premier ministre, de première dame et de premier, je ne sais pas quoi, chef d'État. L'église n'est pas l'État. Ok. Et puis, ce n'est qu'un monstre qui a deux têtes. Si un homme te dit qu'il est ta couverture spirituelle, sache qu'il est en train déjà de faire la compétition avec Jésus. Donc, et le ministère, c'est tout ce qui est appelé à rendre service au corps de Christ. Et dans le corps de Christ, il y a divers ministères et non diverses dénominations. Divers ministères, 1 Corinthiens 12, 5, et non diverses dénominations. Les divers services rendus à l'édification du corps de Christ. Amen. Voilà, on retient que le ministère, c'est le service rendu pour l'édification. Nous aimerons comprendre, frère Olivier, vous voulez nous parler de l'église biblique. Comment est-elle organisée? Permettez-nous de comprendre quelle est sa structure locale, globale. Ok, la structure locale de l'église telle que le Nouveau Testament nous la présente. Les églises, dans le Nouveau Testament, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, parle aux apôtres et aux prophètes. Dans le Nouveau Testament, aux assemblées locales. Les assemblées locales sont toujours les assemblées de maison. Et dans une assemblée de maison, quelle est la structure? Il y a les apôtres que Dieu utilise pour établir l'œuvre. Ensuite, il y a les prophètes, il y a les anciens. Les anciens, ce sont eux qui sont les évêques. C'est eux qui ont la fonction pastorale. Souvenez-vous bien, le Saint-Esprit ne les a pas appelés pasteurs, mais ils ont la fonction pastorale. C'est eux qui sont appelés anciens et évêques. Et il y a également les évangélistes. Contrairement à ce qu'on croit, on croit souvent que les évangélistes travaillent seulement dehors et ils envoient les âmes. Non, on a besoin des évangélistes aussi dans la maison de Dieu, puisque quand on parle des saints dons ministériels, ils ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Le mot perfectionnement, katatizo, ça veut dire que Dieu veut réparer les chrétiens et les renvoyer pour qu'ils fonctionnent. C'est comme le mot réparation au niveau du garage. Quand on envoie les voitures chez le garagiste, il doit réparer les voitures et laisser les voitures fonctionner. Imaginez un garagiste qui décide de maintenir les voitures sur place. N'est-ce pas, il aura les problèmes avec le propriétaire des voitures? C'est pourquoi on ne doit pas t'enfermer dans quatre murs. Dis amen. On ne doit pas t'enfermer dans quatre murs. L'église n'est pas le membership. L'église est le discipola. Il y a une très grande... Dans les organisations sociales, on parle de membership. Dans l'organisation spirituelle de l'église, on parle de discipola. Et les disciples sont formés donc dans les églises de maison. Et il y a également les docteurs. Il y a les docteurs, il y a les membres de l'église qui sont les disciples et il y a les diacres. Donc voilà la structure d'une église locale. Il y a des conducteurs, il n'y a pas un seul conducteur. Et nous allons expliquer tout à l'heure pourquoi, quand on va toucher le domaine des assemblées de maison. Donc voilà la structure. La structure, c'est qu'il n'y a pas surintendant général en haut. Il n'y a pas archevêque. Il n'y a pas général overseer. Ça n'existe pas dans la Bible. Dans la Bible, nous voyons des apôtres, des prophètes, des anciens qui travaillent en collaboration avec les évangélistes et les docteurs pour le perfectionnement des saints. Et les diacres sont là pour s'occuper des questions sociales dans l'assemblée. Donc, et tout à l'heure, nous allons présenter avec plus de détails les différents ministères qui existent dans l'Église. Au nom de Jésus. Amen. Très bien. Vous avez simplement fait la structure locale. On s'attendait également cette à voir structure locale, la globalité de ce que vous êtes en tout train à fait. D'expliquer. Cette structure locale est applicable au plan global également. Ça veut dire que l'Église, telle que la structure locale est faite, cette structure locale peut fonctionner à l'échelle globale. Par exemple, nous sommes ici, non pas dans une structure locale, mais dans une structure globale. Et tout à l'heure, quand nous allons présenter les différents types de réunions chrétiennes, vous allez davantage comprendre cela. À l'échelle globale, comme à l'échelle locale, les ministères doivent fonctionner. Par exemple, quand je suis en train de vous enseigner la parole de Dieu, je fais office de docteur de la parole. Lorsque nous sommes en train de vous montrer comment l'Église doit fonctionner, nous faisons office d'apôtre. Amen. Ça veut dire, les apôtres, c'est ceux que Dieu utilise pour montrer les bases, pour établir son œuvre. Et pour que personne ne se réclame d'un ministère ou ceci. Je me sens libre d'envoyer les frères qui travaillent directement avec moi là où ils travaillent. Alléluia. Et s'il y a d'autres serviteurs de Dieu qui sont ici, que Dieu a utilisé pour établir l'œuvre de Dieu quelque part, nous voulons également vous tendre la main d'association. Si vous êtes prêts à laisser les dénominations, laisser ces titres-là, pour que quelqu'un ne dise pas « ce sont mes brebis », pour que nous fonctionnons comme dans le Nouveau Testament, pour que nous soyons libres de dire que s'il y a telle maison à Bonaberry qui est ouverte au Seigneur, qu'on envoie les frères là-bas, que s'il y a les frères qui habitent à Bonamoussadi, qu'on les envoie là-bas, ainsi de suite. Et là, personne ne réclame la paternité de l'œuvre. Jésus reste le patron et le Saint-Esprit est le boss sur le terrain. Amen. Et c'est ainsi que les premiers disciples fonctionnaient. Vous n'avez jamais entendu Paul a dit à Pierre que « Tu as pris mes brebis, pourquoi ? Tu as pris mes brebis, pourquoi ?» Non. Tous se reconnaissaient comme étant des ouvriers pour le Seigneur. Et nous savons que quand tu travailles dans un système, quand le Seigneur t'amène à sortir de ce système pour te conformer au fonctionnement de l'Église primitive, tu ne peux pas t'en sortir seul. Le frère Elie Tchabda m'a beaucoup aidé. Et je remercie le Seigneur pour cela. Amen. Si je jouais à l'orgueilleux, que j'ai cru avant lui, je suis son grand frère, la chose n'allait jamais se faire. Mais je savais que le Seigneur l'avait éclairé sur certains points et il m'a aidé. Et c'est comme ça qu'on a travaillé en collaboration et nous sommes toujours en train de travailler. On ne dit pas qu'on est arrivé. Chaque jour, le Seigneur nous fait découvrir. Et quand le Seigneur nous fait découvrir la vérité, nous devons l'appliquer immédiatement. Donc c'est pourquoi nous tendons la main d'association à tous les ouvriers du Seigneur qui sont à cette conférence. Nous vous demandons, mettons-nous ensemble, travaillons pour le Seigneur. Il n'y aura pas de père fondateur d'un mouvement ou quoi que ce soit. Nous serons gardiens les uns des autres. Et c'est l'Écriture qui sera notre maître à tous. Si on n'est pas d'accord sur un point doctrinal, on s'assoit devant l'Écriture et le Saint-Esprit va nous éclairer. Vous savez, par exemple, pour la bénédiction nuptiale, voici le frère que Dieu a utilisé pour me faire comprendre la bénédiction nuptiale. Est-ce qu'il peut se lever? Alléluia, c'est le frère Frédéric. Le jour où on a discuté, j'ai sorti la Bible. J'ai dit que quoi? Vous dites que les gens ne doivent pas se marier à l'église? Il m'a donné les versets. Et comme moi j'aime trop le Seigneur, quand la Bible qui est le cœur du Seigneur est ouverte comme ça, je ne peux plus discuter même si ça ne m'arrange pas. Amen. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a éclairé. C'est pour vous dire quoi? Dieu ne peut pas révéler tout à un seul homme. Je vous dis, Dieu m'a révélé des choses terribles dans sa parole. Mais il ne m'a jamais révélé tout. Parce que si Dieu révèle tout à un homme, alors Dieu tue la communion fraternelle. C'est pour cela que même le témoignage où nous avons parlé de l'habillement des sœurs et tout ça, Dieu a révélé ça par le témoignage de cette sœur. Nous ne sommes pas assis là et Dieu est venu nous parler comme ça. Non, ça veut dire que le corps de Christ est complémentaire. Et si nous n'apprenons pas à dépendre les uns les autres, tu t'enfermes dans ton coin croyant que Dieu va tout te révéler. Mon cher ami, tu te trompes. C'est pourquoi nous devons revenir à la simplicité de Christ. Amen. Revenir à la simplicité de Christ, c'est important. Mais permettez-nous de comprendre, frère Olivier, un ancien ou le diaconat, est-ce que c'est un métier? Le diaconat? Oui. Si c'est un métier? Soit si on est ancien, on est diacre ou diaconet, est-ce que c'est un métier? Parce que il y a certains qui ont des rémunérations. À la lumière des Écritures, est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Ce n'est pas un métier. Dans l'église du Seigneur, parce que dans un métier, il faut des spécialistes, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle en littérature le métalangage. Les spécialistes ont le langage technique pour ceci ou pour cela. Quand les menuisiers se trouvent, ils ont le langage technique pour leur discipline. Dieu ne veut pas des spécialistes dans son œuvre. Dieu veut des vases humbles qu'il va simplement utiliser. Dans le diaconat, nous allons encore revenir dessus tout à l'heure quand nous allons présenter les ministères dans l'église. Le diaconat est un ministère dans l'église. Ce n'est pas un métier qui nécessite un salaire ou quoi que ce soit. Très bien. Je souhaiterais que vous nous apportiez un éclairage sur la fonction ou le titre pastoral. Que devrait-on retenir ou dire? Fonction pastorale, titre pastoral, quelle est la différence et où est-ce qu'il y a un point de convergence entre les deux? Ok, je vais définir qu'est-ce qu'une fonction, qu'est-ce qu'un titre. La fonction, c'est la charge qui est exercée par une personne. Elle ne nécessite pas une nomination. Amen. La fonction, c'est le rôle joué par une personne, c'est l'activité propre d'un organe ou d'un individu. Par contre, le titre, c'est une qualification honorifique qui peut être acquise par nomination à un poste qui confère donc de droit une appellation spécifique liée à ce poste-là. Par exemple, à partir de maintenant, tu es monsieur le président, tu es son excellence, tu es monsieur le ministre, tu es monsieur le professeur. Dans le Nouveau Testament, le terme pasteur n'est pas un titre. C'est pour cela qu'on a vu personne dans le Nouveau Testament. Un exemple individuel de quelqu'un qui est appelé pasteur. Le mot pasteur apparaît dans le Nouveau Testament à 14 reprises, particulièrement 13 fois au singulier et une seule fois au pluriel dans Éphésiens 4, 11. Et dans Éphésiens 4, 11, le Saint-Esprit tenait juste à montrer l'existence de la fonction pastorale qui a été confiée aux évêques et aux anciens. Parce que évêque et ancien, c'est la même chose. Mais aujourd'hui, les gens ont séparé évêque là-bas, ancien là-bas. Oh, c'est une et une seule fonction. Et nous l'avons dit à partir du acte chapitre 20, où Paul a réuni les anciens de l'église d'Éphèse et il leur a parlé, il leur a dit que le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur, c'est-à-dire pour faire exercer la fonction pastorale. Et quand Jésus s'adresse à Pierre, Jésus lui dit « Paie mes brebis ». Exerce la fonction pastorale et je garde le titre. Parce que Jésus est toujours le pasteur. Je vais donner les versets. Vous allez vous-même aller les étudier. Matthieu 9, 36, là-bas on parle de Jésus comme étant le berger. Le mot berger, c'est poimane, qui veut dire pasteur, qui veut dire gardien du troupeau. Il y a également Matthieu 25, 32. Jésus, lors du jugement dernier, est appelé le pasteur. Dans 8 secondes, c'est traduit par berger, mais c'est pasteur. Et dans Matthieu 26, 31, la Bible dit « Je frapperai le pasteur et les brebis seront dispersées », parlant de Jésus-Christ lors de son arrestation. Cela est repris également dans Marc 14, 27. Et dans Marc 6, 34, Jésus, en tant que le guide, est appelé encore berger ou le pasteur. Dans Jean 10, verset 2, verset 11, verset 12, verset 14, verset 16, Jésus a appelé là-bas le bon berger, qui veut dire le bon pasteur. Et c'était la révélation du psaume 23, l'Éternel est mon berger, c'est-à-dire l'Éternel est mon pasteur. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Amen. Et dans Hébreux 13, 20, Jésus est appelé le grand pasteur. Donc quand tu dis, nous avons notre pasteur est un grand pasteur, tu es en train de tenter Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas de grand pasteur, il y a un seul, c'est Jésus. Jésus est encore appelé le pasteur ou évêque dans 1 Pierre 2, verset 25. Le souverain pasteur. Et dans Hébreux 13, la Bible nous dit dans Hébreux 13, 8 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire qu'il n'a pas pris de retraite. Il est toujours en fonction. Il est toujours le seul et unique pasteur de l'Église. Amen. Très bien. Après avoir donc expliqué, défini l'éthique ecclésiastique, mettre les fondements d'un règlement ou soit des règles que Dieu a établies pour que cela soit mis en pratique par son peuple. Nous aimerions bien comprendre. On a compris, le ministère, c'est le service rendu pour l'édification. Ce rectificatif sur la fonction et le titre qui reviennent exclusivement selon ce que vous venez de citer à Jésus. Et également ce schéma brossé de l'organisation de l'Église biblique. Mais cependant, un mot revient toujours dans ce que vous dites, l'édification. Je voudrais, de manière un peu sous-jacente, que vous parliez des réunions. À quoi servaient-elles d'abord? Et quels sont les différents types de réunions qu'on pouvait retrouver parmi les saints de cette Église biblique que vous êtes en train d'expliquer? Ok. Dans l'Église primitive, il y a trois types de réunions auxquelles les chrétiens assistaient. Combien de types? Trois. Si tu trouves le quatrième type, tu viens me montrer. Le premier type de réunion, ce sont les réunions de perfectionnement. Quand la Bible dit que dans Éphésiens 4, 12, que les apôtres, ainsi de suite, ont été établis pour le perfectionnement des saints. Le perfectionnement, c'est katatizo, qui veut dire la réparation des chrétiens. Leur arrangement, où on leur montre les choses qu'il faut corriger dans leur vie. Ça, ce sont les réunions de perfectionnement. Le lieu des réunions de perfectionnement, c'est dans les assemblées locales ou les églises de maison. Le perfectionnement des saints. Et les réunions de perfectionnement étaient des réunions permanentes. Ce sont des réunions régulières, des réunions permanentes. Parce que nous avons besoin d'être perfectionnés jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est pour ça que chaque chrétien doit être activement impliqué dans une assemblée locale de maison. Amen. Amen. Voilà le premier type de réunion et le cadre de cette réunion. Et c'est justement là où on parle de l'échelle locale du rassemblement du corps de Christ. Et tout à l'heure, le frère Elie Tchabda va revenir sur la localisation géographique de l'Église. Comme il a expliqué hier, certains n'étaient pas là, mais il va revenir également là-dessus. Deuxièmement, nous avons les réunions d'édification. Les réunions d'édification se font dans un lieu neutre. Vous comprenez cela? Au niveau des réunions d'assemblée locale, le minimum c'est 2 ou 3 personnes dans une maison. Et les réunions d'édification se font dans un lieu neutre. Ça veut dire qu'on ne tient pas compte de la localisation géographique des chrétiens. Lors de cette conférence, on est dans une réunion d'édification. Et les réunions d'édification n'étaient pas permanentes. Parce que si les réunions d'édification deviennent permanentes, alors on est dans Babi, dans les systèmes. Et les réunions d'édification se font, les premiers chrétiens les faisaient soit en plein air, parce qu'il n'y avait pas de bâtiment construit où rassembler tous les chrétiens pouvait être possible. Et ils ne construisaient pas justement parce qu'ils savaient que les réunions de grand nombre, là, c'était des réunions ponctuels qui se faisaient un temps. On vient recevoir des instructions de Dieu pour un moment précis et une saison précise. Et après, chacun repart dans sa zone géographique pour faire l'œuvre de Dieu. Par exemple, dans Actes 15, ils ont été convoqués tous à Jérusalem. Ils n'étaient pas dans une maison parce que tous les chrétiens ne pouvaient pas suffire, ils étaient en plein air. Et c'est là où Jacques a coordonné cette première conférence qu'il y a eu entre les chrétiens pour traiter au sujet de la question de la loi de Moïse. Et quand les chrétiens ont fini cela, après, on a envoyé, c'était Pierre avec un autre disciple et Jean, on les a envoyés pour aller lire la décision que les disciples avaient arrêtée à Jérusalem dans toutes les autres communautés chrétiennes qui, je le rappelle bien, ne se réunissaient pas dans des bâtiments avec des noms, mais dans des maisons dans différentes villes. Et le lieu neutre en question, ce ne sont pas les méga-churches. Je vais vous donner les versets par rapport à cela. Donc les réunions là étaient pour un temps limité et un but précis. Et par exemple, nous avons dans la Bible, nous avons des réunions qui se faisaient. Et après cela, chacun part dans sa zone pour vivre la foi de perfectionnement dans les assemblées locales. Et troisièmement, il y avait les réunions d'évangélisation. Les réunions d'évangélisation se faisaient également dans un lieu neutre, en plein air ou dans un lieu précis pour rencontrer facilement les non-croyants, les personnes non régénérées. Et au début, quand l'église est née, les chrétiens faisaient les réunions d'évangélisation au temple. Pas dans le temple, parce que c'était que les sacrificateurs qui entraient là-bas, mais dans la clôture du temple. Et ils partaient évangéliser d'après Actes 5, verset 20. Et ces réunions d'évangélisation étaient ponctuelles. Lors des réunions d'évangélisation, tout le monde pouvait évangéliser, hommes comme femmes. Même les jeunes personnes, tout le monde pouvait évangéliser. Et lors des réunions d'édification, ce n'est pas tout le monde qui peut intervenir de manière directe dans une réunion d'édification. C'était là où les apôtres faisaient, les réunions d'édification étaient beaucoup plus coordonnées par les apôtres. Et les réunions de perfectionnement étaient coordonnées beaucoup plus par les anciens en assemblée locale. Vous voyez cela. Et les apôtres partaient de lieu en lieu pour se rassurer que la chose fonctionne comme le Seigneur a établi. Et quand ils trouvaient peut-être un problème dans la ville de Corinthe, quand Paul trouvait un problème là-bas, ils réunissaient tous les chrétiens dans un lieu neutre pour leur parler de la part du Seigneur pour un temps limité. Et après cela, chacun repartait dans les maisons pour vivre la parole de Dieu. Donc, comme verset biblique d'appui pour les réunions de perfectionnement, vous avez Actes 2, 46, Actes 5, 42, Actes 8, 3, Actes 20, 20, Actes 20, 7, Actes 28, 30 à 31. Pour les réunions d'édification, vous avez Actes 2, 44, quand on dit que tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ça, c'était les réunions d'édification. Ce n'est pas que tous les 3000 chrétiens étaient dans la même maison, non. On va expliquer tout à l'heure. Actes 15, tout Actes 15, c'était un lieu neutre. Actes 16, 40. Et Actes 20, 20. C'est pourquoi Paul dit, je n'ai pas eu peur de vous enseigner dans les rues, dans les places publiques et dans les maisons. Les places publiques là, c'était les réunions d'édification générale pour le corps de Christ qui étaient dans la ville d'Éphèse. Et dans les maisons, c'était pour le perfectionnement au niveau des assemblées locales. Et les réunions d'évangélisation, nous avons Actes 2, 5 à 14. Quand ils ont fini le premier culte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, ils ont évangélisé en plein air à Jérusalem et c'est là où 3000 personnes ont cru. Réunion d'évangélisation, nous avons Actes 2, verset 46, quand ils allaient au temple, Actes 5, 20 et 5, 42. Nous avons également Actes 5, verset 12 à 16, quand on dit que les apôtres se tenaient au portique de Salomon. Le portique de Salomon, c'était un endroit couvert, légèrement couvert, comme une barrière qu'il y avait à l'intérieur du temple. Mais c'était dans l'enceinte, dans la cour. Et nous avons également Actes 15, 35, les réunions d'évangélisation. Actes 17, 17, Actes 20, 20. Les réunions d'évangélisation n'étaient pas comme aujourd'hui, où nous voyons les croisades d'évangélisation. Là, ce n'était pas comme ça. C'était spontané. Les chrétiens disaient, on se retrouve dans un endroit. Ils se retrouvaient tous et ils commençaient à évangéliser à toutes les personnes qui étaient là. Donc, tout à l'heure, s'il y a des éléments de plus là-dessus, nous apporterons. Donc, en résumé, voilà les trois types de réunions. Réunion de perfectionnement des saints, qui étaient les réunions régulières qui se faisaient dans les assemblées locales ou dans les maisons. Deuxièmement, les réunions d'édification qui étaient ponctuelles. Ça se faisait dans un lieu neutre. soit en plein air, soit dans un endroit qui peut contenir tous les chrétiens qui vont être rassemblés pour recevoir impartition et instruction du Seigneur pour un domaine bien précis. Après, chacun repart vivre la foi dans sa localité. Et troisièmement, il y avait les réunions d'évangélisation. Donc, tant que Jésus n'est pas encore revenu, les trois types de réunions doivent continuer à se faire. Amen. Mais nous ne les programmons pas dans un calendrier qui a déjà toutes les activités de janvier jusqu'à décembre. Non, nous nous laissons conduire par l'Esprit. Très bien, merci. Vous nous parlez depuis pratiquement trois jours d'église de maison. Nous aimerions d'abord comprendre ce que ça signifie, église de maison, et nous présenter ensuite le cadre de ces églises de maison. Nous allons procéder en trois temps. Premièrement, nous allons voir ce que Jésus a dit, parce que je vous ai dit tout ce qui est établi dans le Nouveau Testament, le Seigneur l'a dit clairement, et ensuite il montre des gens qui mettent cela en pratique. Dans les Actes des Apôtres et les Épîtres viennent confirmer ce que le Seigneur avait dit et qui avait été pratiqué par ses disciples. C'est Jésus qui a établi les églises de maison. Matthieu 5, verset 13 à 15. Matthieu 5, verset 13 à 15. Vous avez également Matthieu 10, verset 11 à 14. Vous avez Luc 9, verset 4. Vous avez Luc 10, verset 5 à 7. Et vous avez Matthieu 10, 27. Matthieu 5, verset 13 à 15. Écoutez très attentivement. Quand le Seigneur Jésus parle, ce qu'il dit n'est jamais, on ne doit jamais prendre ses paroles à la surface. Parce que quand les disciples commencent à se réunir dans les maisons, ce n'est pas en vain, c'est ce que le Seigneur leur avait dit. Ils ont simplement mis en application ce que Jésus leur avait dit. Dans Matthieu 5, verset 13 à 15, la parole de Dieu dit, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Le sel a sa fonction lorsqu'il pénètre dans les aliments. Le chrétien comme le sel a sa fonction lorsqu'il pénètre dans la société. Et le meilleur moyen pour infiltrer la société, c'est les maisons. » Amen. Et Jésus continue en disant, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Encadre là-bas, lampe, encadre chandelier et encadre maison. Nous sommes dans Matthieu 5, verset 15. C'est pourquoi je vais vous dire que si quelqu'un s'oppose au fonctionnement des églises de maison, il est en train de s'opposer à ce que Jésus a dit et il devient par conséquent un antéchrist. Jésus dit ceci, on n'allume pas une lampe. Qu'est-ce que la lampe? La Bible s'interprète elle-même. Psaume 119, verset 105. Que dit la Bible? Ta parole est une lampe à mes pieds. Donc la lampe qui est allumée là, c'est la parole de Dieu. Il dit, on la met sur le chandelier. Le « on » là est mis pour qui? Le Saint-Esprit. Parce que lui seul, il peut illuminer la parole de Dieu. Et le chandelier, c'est quoi? Quand vous lisez Apocalypse 1, verset 20, la deuxième partie du verset, le Seigneur Jésus donne la signification du chandelier. Il dit, les sept églises sont les sept chandeliers. Les sept chandeliers que tu as vus représentent les sept églises. Donc, un chandelier représente une église. Donc, Matthieu 5, verset 15, Jésus dit, on n'allume pas la parole de Dieu pour la cacher. On la met sur l'église qui est rassemblée dans une... Applaudis pour le Seigneur. Et c'est pourquoi vous allez comprendre le verset 16 qu'il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. La lumière, ce sont les œuvres. Devant les... Parce que quand vous êtes dans une maison, les gens, les voisins peuvent venir guetter, non? Ils voient si vous servez vraiment Dieu, non? Mais quand vous êtes enfermé dans votre temple là-bas, ils ont peur des sectes là. C'est pour ça que c'est plus facile d'inviter un non-croyant dans une maison plutôt que dans un temple. Amen. Et puis, également dans Matthieu 10, Jésus quand il envoie les disciples, les 12, dans Matthieu 10 quand il les envoie, Jésus leur dit, quand vous allez dans une ville, cherchez un terrain. C'est ça? Comme ça qu'on vous trompe, personne ne répond. Quand vous allez dans une ville pour établir l'œuvre de Dieu, cherchez un terrain, cherchez un bâtiment. Il a dit quoi? Cherchez une maison. Et s'il s'y trouve un homme digne de vous recevoir, alors demeurez dans la maison. Ça veut dire établissez l'œuvre de Dieu dans cette maison. Maison là-bas, c'est oikos. Ça veut dire lieu habitable. Ça veut dire un endroit où quelqu'un habite réellement. Donc, quand Jésus dit là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, Il parle des deux missionnaires qu'il envoie et de la personne qui ouvre sa maison au Seigneur. Amen. Les deux ou trois, ce sont les deux missionnaires que le Seigneur envoie et la personne qui ouvre sa maison au Seigneur. Et Jésus va redire la même chose dans Luc 10 quand il va envoyer les 70 disciples qui sont différents des 12. Et ensuite, dans Matthieu 10, 27, Jésus a dit « Ce que je vous dis aux oreilles, prêchez-le sur les toits. » Les maisons juives du 1er siècle avaient toutes des toits. C'est ça, ces toits qu'on appelait les chambres hautes. Jésus dit « Ce que je vous dis dans le secret, allez prêcher ça dans les maisons où je vous envoie. » Alléluia. Et nous voyons que quand les disciples ont mis en pratique ce que le Seigneur a dit, la Bible nous dit que pendant 40 jours, Jésus est apparu à ses disciples. Il y avait également les 70 que Jésus avait préalablement formés. Pendant les 40 jours où Jésus est passé sur terre, Jésus a fait une formation accélérée pour d'autres disciples qui devaient s'occuper de la moisson lorsqu'elle devait grandir. Écoutez très bien ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Et quand Jésus les a formés, la Bible dit qu'il parlait avec eux en ce qui concerne les choses qui concernent le royaume de Dieu. Quand vous lisez Matthieu 28, verset 19 à 20, quand Jésus dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples », Jésus s'adresse là-bas aux 12. Quand vous lisez Marc 16, ce ne sont plus les 12 seulement. Jésus s'adresse là-bas au groupe parce que ça veut dire donc que si on fait la synthèse, Jésus a parlé quand il était avant de partir, il a fait une réunion générale avec les trois groupes. Alléluia, alléluia. Et vous savez, les établissements scolaires qui ont le plus de succès, ce sont les établissements où il y a un ratio adéquat pour un nombre suffisant d'élèves pour un nombre de professeurs suffisant. Et les établissements où il y a moins d'élèves et un nombre de professeurs qui peut encadrer ce nombre d'élèves-là, ces établissements ont plus du succès, vrai ou faux? C'est pour ça que les églises qui ont trop de personnes là ne peuvent pas avoir du succès. Comme les établissements scolaires qui sont pléthoriques là, le taux de succès est très bas. Le taux de discipolat, plus vous êtes nombreux, plus le taux de discipolat va diminuer. C'est pour cela que le Seigneur savait que l'œuvre ne pouvait pas reposer sur 12 hommes. Maintenant, quand il passe à 3000 le jour de la Pentecôte, quand 3000 personnes ont cru, parce que les fondateurs des méga-churches vont s'appuyer sur ce verset pour dire qu'ils étaient 3000, ils n'étaient pas 3000 dans le même endroit. Maintenant, quand ils sont passés à 3000, la Bible dit maintenant, dans Acte 2, 2, 120, ils étaient dans une maison, n'est-ce pas? Maintenant, quand ils passent à 3000, Acte 2, 42, ils sont maintenant dans les maisons. Les maisons là venaient d'où? Alléluia. Amen. Et maintenant, quand dans Acte 4, verset 4, ils vont passer à combien? 5000, n'est-ce pas? Dieu avait également dit aux 70 que quand la moisson sera grande, priez que j'envoie les ouvriers. Alléluia. Et maintenant, dans Acte 5, 42, la Bible dit qu'ils étaient encore dans les maisons. Les maisons supplémentaires là venaient d'où? Est-ce que quelqu'un comprend? Applaudis donc pour le Seigneur. Merci, merci. Ça semble un peu très caricatural, le frère Olivier. En un mot, en une phrase, l'église de maison, c'est quoi? L'église de maison, c'est tout simplement le chandelier qui est posé. Le chandelier, c'est-à-dire l'église, celui qui a donné sa vie à Jésus, qui est le porteur de la parole de vie et qui est maintenant établi dans les maisons pour éclairer les hommes qui sont dans les quartiers, pour éclairer ces gens-là. Donc l'église, maintenant quand les chrétiens se retirent entre eux, dans un temple, un terrain que Satan leur dit d'acheter quelque part, loin là, quand tu es la lumière, je suis la lumière n'éclaire pas là où il y a la lumière. Très bien, la lumière éclaire là où il y a les ténèbres. Et les ténèbres sont dans les quartiers. Permettez-moi, avant qu'Élie ne poursuive, un participant voudrait comprendre, Jésus était-il contre les synagogues? Il y a un CD d'enseignement sur le parallèle entre les synagogues et les dénominations. Les synagogues, d'abord, avant de répondre à la question pourquoi y allait-il, j'aimerais dire d'où venaient les synagogues. Allez-y. Les synagogues, Moïse, au moment où Jésus vient sur terre, ce qui fait office de révélation de la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu a donné par Moïse et par les prophètes. Aucun d'entre eux n'a parlé du système des synagogues ni des pharisiens. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, en vous posant les questions, vous êtes un peu surpris que les pharisiens et les synagogues viennent d'où? Ça ne venait pas de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu 13, verset 15. Il a dit que toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Il parlait du système des pharisiens et des pharisiens eux-mêmes et des sadducéens. Donc Dieu ne les avait pas établis. Comment est-ce que Israël a fait pour avoir ce système? En 538 avant Jésus-Christ, Israël a été amené en captivité à Babylone. Donc, et quand ils étaient à Babylone là-bas, ils se sont dit qu'ils vont perdre leur identité. Et que pour ne pas perdre leur identité, regardez bien comme le frère Elie l'a dit hier, ils avaient une bonne intention. Quelqu'un dise une bonne intention. Et je vais vous dire que les bonnes intentions ne viennent pas toujours de Dieu, parce que Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Ils ont voulu aider Dieu en se disant que notre race juive va disparaître. Pour qu'on se maintienne en vie, on va se construire des maisons, des mini-temples de prière. Et ils ont appelé cela Sun Agoge. Sun Agoge dans le grec qui signifie maison de prière. Or, ce qui faisait office de maison de prière à ce moment-là, c'était le temple jusqu'à ce que Jésus revienne. Et ils ont commencé à construire des synagogues un peu partout à Babylone. Et quand ils sont même revenus d'exil, ils ont amené ça à Jérusalem. Ils ont amené ça partout au point où quand Jésus est sur terre, au moment où Jésus est sur terre, à Jérusalem, il n'y avait pas moins de 400 synagogues. Il y avait des synagogues à presque tous les coins de rue. Et maintenant, Jésus n'a jamais dit les synagogues de Dieu. Allez faire une étude minutieuse du mot synagogue dans tous les évangiles. Chaque fois que vous voyez synagogue encadrée, Jésus dit, ne soyez pas comme les hypocrites, les pharisiens qui, dans leur synagogue, il a toujours dit leur synagogue. Il n'a jamais dit les synagogues de Dieu. Maintenant, les juifs pensaient que le Messie va apparaître dans une synagogue. Mais cela n'était écrit dans aucune prophétie des prophètes. Mais Jésus est quand même allé dans une synagogue à Nazareth où il avait l'habitude d'aller. Et les synagogues avaient le système des dénominations. C'est pourquoi l'esprit des dénominations qui était en Israël est venu dans l'église. Quand vous lisez Actes 6, 9, la Bible parle là-bas de trois dénominations dans les synagogues. Il y avait une synagogue qui avait la plaque. Ça s'appelait synagogue des affranchis. Il y avait une autre qui avait la plaque. Ça s'appelait synagogue des Alexandrins. Il y avait une autre qui avait la plaque. Ça s'appelait synagogue des Cyréniens. Comme aujourd'hui, il y a église de ceci, église de cela, église de ceci. Ça ne venait pas de Dieu, ça venait du diable. Et quand ils ont établi le système des synagogues, ils avaient mis une chaise dans la synagogue et il y avait les chaises des pharisiens devant. Si vous voyez le même modèle dans les églises aujourd'hui, sachez que c'est l'esprit du pharisianisme qui est entré dans l'église aujourd'hui. Les pharisiens avaient leurs chaises devant où ils contrôlaient le peuple. Et c'était eux les hommes de Dieu spéciaux qui avaient leur place. Et le peuple avait sa place à part. Quand vous voyez la structure de la synagogue, et il y avait une chaise où personne ne devait s'asseoir. Mais Elie, avant de poursuivre, oui. Quelle est l'importance? Pourquoi faut-il se rassembler dans les églises de maison? En fait, c'est parce que le Seigneur veut que l'église soit une famille. Et la réunion familiale se passe, c'est simple. En regardant, basically, en rentrant simplement dans la parole, comme ça on comprend cela. Voilà pourquoi la Bible déclare, si vous lisez les types dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 12, véritablement, vous allez voir clairement pourquoi Jésus-Christ disait que chaque famille doit se regrouper dans sa maison et chaque personne célébrera la Pâque ainsi. Et numériquement, combien de personnes on peut retrouver? Ça aurait dit que autant que la maison, vous pouvez avoir des taudis. Si vous pouvez arriver à 4, c'est suffisant. Ça suppose que, voilà pourquoi Jésus-Christ a dit là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis présent. Donc ça veut dire que le Seigneur ne veut pas les nombres. Ce n'est pas un parti politique. Amen. C'est une famille. Et une famille, il y a des gens qui sont trois à la maison, vrai? S'ils prient, Dieu ne les écoute pas. Oh, pourquoi donc ces choses? Amen. Donc, l'église de Dieu, c'est le cadre familial. Et il ne faut pas qu'il y ait un malentendu à partir de maintenant. Lorsqu'on parle de l'église des maisons, il ne faut pas que vous sortiez ici, allez maintenant ouvrir votre maison aussi. Écrivez église des maisons. Il faut qu'on soit clair. Amen. En disant également église des maisons, c'est encore, comment je vais dire, si elle dit église des maisons, ça devient encore une dénomination. Vous comprenez cela? Mais on utilise ce terme-là pour que vous puissiez comprendre. En fait, c'est l'église qui se réunit dans la maison. Ça ne fait pas de l'église des maisons. Parce que vous allez dire, d'accord, il y a une doctrine ici, on dit que ce sont l'église des maisons. Il faut que ça soit clair. Amen. C'est l'église. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, saluez Nymphas et l'église qui se réunit dans sa maison. Ce n'est pas l'église des maisons, sinon on va aller saluer les murs que Paul a dit qu'on te salue. Amen. Donc il faut qu'on soit clair, ce n'est pas l'église des maisons, c'est l'église qui se réunit dans des maisons. Cette maison-là n'est pas l'église, ce sont des gens qui viennent là-bas pour faire ce qu'on les appelle église. Amen. Quand la réunion cesse, le lieu cesse également. Le Saint-Esprit est dans ce lieu en présence des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Amen. Alors si vous avez vos Bibles d'abord dans, comment on va lire ça? Dans le livre de... Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas également chez les gens. Il dit que le porc, vous le lavez, il rentre toujours dans la boue. Si vous prenez Amos, si quelqu'un peut ouvrir rapidement Amos, le livre d'Amos du prophète Amos, ça se parle de cela. Parce que le frère dit que ce qui s'est passé en Israël, c'est la même chose. Les dénominations, ça avait été imprégné en Israël. Et à un moment donné, ils ont conçu leur synagogue, pas la synagogue du Seigneur. De la même façon, à un moment donné, l'église du Seigneur s'est transformée, ils ont construit leur bâtiment. Voilà pourquoi vous ne verrez jamais dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, les apôtres ayant une décision ou bien un besoin de terrain nulle part. Les gens qui avaient de terrain vendaient plutôt et venaient déposer ce qu'ils avaient vendu au pied des apôtres pour qu'on fasse la distribution aux saints qui étaient dans le besoin. En fait, si vous voulez comprendre, la vraie église à bâtir, ce sont les saints. Au lieu d'investir sur les bâtiments, les briques là, les pierres vivantes, c'est nous, les chrétiens. C'est ça qui forme l'édifice de Christ, c'est ça qu'il faut bâtir. Amen. La construction des bâtiments. La construction des bâtiments est antiscripturaire. C'est difficile de le dire. En fait, les pasteurs dénominationnels sont des bandits. La majorité, il leur faut la délivrance. Je vais vous expliquer pourquoi. Voici ce que la loi, par exemple, dit dans un pays comme le nôtre. Cette loi-là dit qu'on ne peut pas fonctionner sans avoir une autorisation. Et c'est ça, n'est-ce pas? L'autorisation de votre dénomination. Ils ont utilisé beaucoup de stratégies. Et dans ces stratégies, c'est du mensonge, tout simplement. Si un pasteur ici, j'aimerais le défier maintenant de venir ici devant, dit le contraire. Si un pasteur ici, tu es de la dénomination, Dieu t'a amené, c'est pour que tu sortes de ta dénomination. Et que tu libères tes fidèles. Amen. Alors, voilà comment ça se passe. On attend l'autorisation. En attendant, la loi leur a donné la possibilité. Lorsque tu déposes la demande, tu peux déjà fonctionner. En attendant que la commission qui siège pour libérer, pour donner l'autorisation. Écoutez bien ça. C'est une autorisation qui doit venir de l'État pour autoriser les chrétiens à fonctionner dans une terre qui appartient à l'Éternel. Personne ne semble dire le contraire. Pourquoi? Parce qu'on a fui la persécution. On ne veut pas être persécuté. Voilà pourquoi il faut respecter l'État. L'État qui est contrôlé par qui? Pour qu'il te donne l'autorisation, pour que tu fonctionnes sur son territoire. C'est ça, mes frères? Dis à ton voisin, sors de ce système. La Bible déclare à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Le monde actuel est sous la puissance. Il a dit que j'étais prostonne-toi devant moi et te donne le royaume de cette terre et toute la gloire. Car cela m'a été le royaume de la terre et la gloire. Le chef de ce monde les tyrannise. Le chef de ce monde, il ne vient pas de Dieu. Cette domination-là ne vient pas de Dieu. C'est à eux, auprès de Dieu, qu'on peut prendre l'autorisation pour fonctionner. Voilà pourquoi le Seigneur, dans sa pensée, savait que l'église devait fonctionner dans la maison. Parce qu'il n'y a pas besoin d'autorisation pour faire les réunions familiales. Amen. Amen. Amen. Dis à ton voisin, sors de là. Alors, ne comprenant pas ce cadre-là, on a raté toute la mission. Voilà pourquoi hier, nous avons parlé la dernière fois que tant que le cadre, parce que là, voilà la forme, nous sommes en train de parler de la forme maintenant, avant de parler des décisions, des formes, de ces fonctions qui vont s'y passer. Si ce n'est pas comme ça, voilà pourquoi quelqu'un qui a bâti son bâtiment, il a déjà choisi sa femme, quand elle n'est pas là, c'est sa femme qui prêche. Tu vas beau dire que la femme ne doit pas enseigner, il va dire que non, c'est ma femme. Il y avait Aquila et Paul, avec Aquila et Priscille. Vous comprenez cela? Son cousin, comme il ne fait rien au village, celui qui tape sur la batterie. Tu vas beau lui expliquer maintenant qu'il n'est pas né de nouveau, qu'il faut que ça change. Il ne va pas comprendre. Alors, c'est le petit frère de la femme maintenant qui contrôle les 10 000 offrandes parce qu'il faut que la caisse aille nulle part. En fait, c'est l'entreprise. Amen. Et toi, donc, tu es spectateur à l'intérieur. Pourtant, la Bible déclare que exhortez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a un enseignement, il apporte. Alors, pendant cet temps, il a formé un groupe des amis de la femme là-bas que prions pour l'intention, pour que le vase d'honneur des terres que Dieu va utiliser, ce soit ses thèses et que ce soit toi qui parles. Donc tu t'attends à ça en attendant que la chaise se tienne dans le pasteur qui se trouve dans son bureau. Il sort dans la climatisation pour venir te dire ce que Dieu a dit. C'est la bouche de Dieu. Amen. Quel est ton rôle? Dis à ton voisin, sort de dénomination. Donc la dénomination, c'est le cancer dans le corps de Christ maintenant. Un peu comme la synagogue était effectivement le cancer dans le temple de Dieu en ce moment-là. Vous voyez, quand Jean-Baptiste vient, il dit que repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Les gens qui visitaient les synagogues depuis des années viennent à lui. Cette question-là, je sais que quand vous lisez Luc et autres, là, vous ne vous posez pas de questions. Il dit, que faut-il faire? Ce ne sont pas des gens qui allaient à la synagogue chaque fois pour servir Dieu, entre guillemets. Comment depuis des années, ils allaient servir Dieu, ils ne savent pas ce qu'il faut faire? Juste à ce qu'il faille qu'ils voient encore les Jean-Baptiste viennent pour leur dire ce qu'il faut faire. Parce que le système ne venait pas de Dieu. Il faut donc qu'on leur dise ce que Dieu veut. Amen. Nous voici. Donc dans le cadre des maisons, Dieu a régularisé les fonctions. Chaque personne doit participer parce que c'est en famille. À la maison, on sait que le père va donner telle chose, la mère va donner telle chose, les enfants, on sait telle... L'autre lave aussi des assiettes. Il prend dans le cadre des maisons pour qu'on comprenne dans le corps de Christ. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 12, verset 18 que Dieu a placé chaque membre là où il a voulu, comme il a voulu. Donc tu dois être à ton poste. Voilà pourquoi vous entrez là. Ceux qui entrent dans les dénominations là rejettent la fonction que Dieu leur a donnée parce qu'ils ont remis leur travail à quelqu'un d'autre. C'est le pasteur qui doit prier pour nous. Dis, pasteur, bonjour. En partant, prie pour moi, pasteur. Prie pour moi, pasteur. Dis-lui à pasteur que lui aussi la Bible pour moi. Vous voyez? Amen. Donc, dans le livre de Amos, chapitre 4, le verset 4, Je ne sais pas si on peut prendre cela pour lire. Je vais prendre là-bas pour moi, pour montrer l'image dans le Nouveau Testament rapidement. Donc notez Amos chapitre 4, verset 4. 4 à 5. À votre nom, ma soeur. Amos chapitre 4, verset 4 à 5. Allez à Bethel et pêchez. Allez à Gilgal et pêchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les trois jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez et publiez vos offrandes volontaires. Car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Nous y voilà. Allez donner votre dîme, pêchez encore. La position, il va aller à Monaco, faire la position, venir donner ses dîmes à Bethel. Vous voyez, Bethel, ça veut dire maison de... C'est pour dire Dieu s'en fout. Donc, c'est ça. Il dit, c'est là ce que vous avez venu donner le sacrifice, que le pasteur prie pour nous, pour qu'on soit béni. Allez à Gilgal, la maison du rocher. N'est-ce pas? Effacez ça, mettez full gospel, n'importe quoi que vous voulez. Si Dieu le fout. Allez à Gilgal, allez à Bethel, et puis pêchez davantage. Donnez votre sacrifice, les dîmes tous les trois jours, si vous voulez. Donnez même chaque jour. Amen. Amen. Donc voilà dans l'erreur. Les gens partent donner leurs dîmes, les offrandes, ils partent faire des sacrifices dans les différentes dénominations, comme John l'a cité là. Ils croient que Dieu est là-bas. Pourtant, Dieu veut la justice, ce que les gens marchent avec lui. Vous comprenez cela? Mais maintenant, il y a les gens qui ont compris que ce système ne fonctionne pas. En fait, ce qui les a énervés, c'est qu'ils donnent l'argent depuis, ils ne voient pas les solutions. Ils cherchent à sortir. Ce n'est pas la meilleure façon. Il faut que vous compreniez plutôt que vous n'avez pas été sous la volonté de Dieu et désireux de marcher selon la volonté du Seigneur. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit sortez du milieu de, n'est-ce pas? Chapitre 5 de ce même livre-là, chapitre 5, verset 4 et 5. Chapitre 5, verset 4 et 5. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal. Ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. Alléluia. Vous avez vu ce que Dieu a dit? Il dit qu'il part dans les dénominations, donnant les dîmes, les offrandes, croyant qu'ils seront sauvés. Dieu le dit clairement, cherchez qui? C'est ce qu'il a réitéré dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 18, verset 17, 18. Il dit, sortez du milieu de mon peuple, mon peuple. Il dit, son peuple, son peuple se trouve quelque part, il faut sortir de là-bas. Et la personne va dire, allez où? L'erreur donc que les gens commettent, c'est qu'ils sortent de Gilgal, ils partent à Bethel. Il dit, là-bas, ça m'énerve. Il n'arrive pas quelque chose encore l'énerve, parce qu'ils n'ont pas trouvé celui qui n'énerve jamais. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu indique qu'il le cherche, lui. Amen. Vous êtes arrivé maintenant au berceau. Vous êtes arrivé au lieu de repos. Pas ici. Vous devez trouver Jésus-Christ en personne. Amen. Et si Jésus vraiment vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est quoi la vérité qui affranchit? C'est la parole. Si vous voulez la parole, vous serez véritablement affranchi. Et la parole déclare sortez du milieu d'eux. Amen. Eux, c'est au pluriel. Hein? Parce qu'on dit, vous voyez l'Église catholique. L'Église catholique a énivré tout ce qui est comme dénomination. Donc les dénominations sont les répliques de l'Église catholique. Tu vas beau dire n'importe quoi. Être pentecôtiste, les condamnés, vous êtes identiques. Là-bas, on l'appelle le grand la pape. Chez toi, c'est le pasteur. Daddy, superintendant, archbishop. Vous avez des telles choses dans la Bible? Quelqu'un dit abomination. Alléluia. Très bien. Si vous avez un cœur ouvert à la parole de Dieu, il va vous guider. Parce qu'il n'y a pas meilleur enseignant que lui. C'est sa parole. Il est le seul interprète de sa parole. Amen. Amen. Comme tout à l'heure, le frère a montré avec les dénominations, l'image a été donnée dans l'Ancien Testament et on voit l'exemple avec les synagogues dans le Nouveau Testament. Et dans l'histoire de l'Église, on a vu l'exemple avec les dénominations ecclésiastiques. Maintenant, prenons la définition. Amen. Jésus est le Dieu qui est ma lumière. L'Église de Jésus-Christ, le chandelier porteur de la lumière de sa parole, se réunit en assemblée. Et la Bible dit ici que les 120 là étaient tous frères. Alléluia. Si tu n'as pas compris ça, tu ne comprendras plus jamais. Tu vas comprendre après l'enlèvement. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Merci, merci. Nous allons poursuivre. Merci. On a compris l'importance des églises de maison. S'il te plaît, bien aimé, j'aimerais citer avant que tu introduises la prochaine séance. Très rapidement. Oui. Il faut, quand nous parlons de la parole de Dieu, il faut que nous vous montrions ce qui se passe dans la parole de Dieu. Et en fait, si ça passe une, deux, trois fois, ça règle le problème, n'est-ce pas? Il faut donc qu'on vous donne, parce que on vous donne cela. Si quelqu'un va vous dire, ah, ils ont pris cela, ou peut-être c'était la condition économique qui avait fait que les disciples se réunissent dans les maisons. D'accord? Il faut qu'on vous montre dans les versets qui parlent de cela. Dans Actes des Apôtres, l'Église est naissante. Et Actes des Apôtres, c'est l'acte du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui manifeste l'Église sur le terrain. Amen. Donc, alors maintenant, soyez donc prêts à prendre tous les versets qui parlent de l'Église qui se réunit dans les maisons. Vous êtes prêts? Ouvrez donc le cahier. Comme ça, vous allez étudier. En fait, l'Écriture elle-même dit que toute chose doit être réglée sur la déclaration de deux ou de trois témoins. C'est ça, n'est-ce pas? C'est parce que si c'est déjà deux, on devrait s'arrêter sans plus discuter. Donc, Actes chapitre 1, verset 13 à 15. Chapitre 2, verset 2. Puis le verset 46, chapitre 5. Nous sommes dans Actes là. Donc, je vais citer tout ce qui est dans Actes. Après, on va sortir de Actes pour aller dans les évangiles. Chapitre 5, verset 9 à 10. Vous y êtes? Donc, nous sommes toujours dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 9 à 10. Actes, chapitre 5, verset 42. Chapitre 4, verset 4. Quand vous allez aller lire ces versets, vous allez, à partir de maintenant, le Saint-Esprit va l'éliminer. Vous allez voir ce que vous passiez. En fait, vous voyez des choses dans les Écritures, vous croyez que c'est la négligence. C'est le Saint-Esprit qui montre sa marque. Chapitre 4, verset 4. Chapitre 8, verset 1 à 3. Chapitre 9, verset 10 à 19. Chapitre 11, verset 17. Verset 15 aussi. Chapitre 10, verset 22 à 48. Vous y êtes tout le monde? Ouais, les femmes ont diminué dans la salle aujourd'hui. On a touché les points faibles hier. Chapitre 9, verset 42 à 43. Que Dieu les bénisse. Alléluia. En fait, beaucoup ne sont même pas venus parce que sur l'affiche, on n'a pas mis prophétie, guérison, miracle. Chapitre 9, verset 42 à 43. On y va, mes frères. Chapitre 11, verset 26. Chapitre 12, verset 5 et verset 12. Chapitre 13, verset 1 et verset 14. Chapitre 13, verset 1 et verset 14. Chapitre 14, le verset 23. Chapitre 16, verset 15. Souvenez-vous, alors que vous écrivez cela, celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Chapitre 16, le verset 15. Chapitre 16, verset 34. Chapitre 16, le verset 34. J'ai dit comme ça, quelqu'un a arrêté d'écrire. Mais même en entendant cela, tu as reçu. Oui. Vous arrêtez d'écrire comment? Vous recevez, mais en entendant. Donc, fermez les bouches de l'oreille. Mais si vous bouchez l'oreille, tu es dans cette salle, tu y es quand même. Chapitre 17. Chapitre 18, verset 7. Chapitre 20, verset 7 à 11. Donc, lisez chapitre 20 entièrement. Ouais. Chapitre 20, le verset 20. Bon, prenons le chapitre 20 une fois. Vous allez le voir là-bas. Vous circonscrivez partout où on parle des maisons, le lieu de rassemblement. Notamment, alors, l'apôtre Paul dit, je vous ai nécessaire publiquement de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Chapitre 21, le verset 8 à 11. Vous voyez, on a dit le témoignage de Dieu, c'est vrai, n'est-ce pas? On ne sait plus quel nombre on se trouve là. On n'est que dans les actes des apôtres. S'il vous plaît, frère, allez étudier, allez les lire. Chapitre 28 maintenant, verset 30 à 31. Donc vous voyez que ça commence au chapitre 1, ça finit au chapitre 28. On commence dans la maison, finit dans la maison. Maintenant, on sort des actes des apôtres maintenant pour les évangiles, pour montrer que, dans les épîtres maintenant, pour montrer que c'était l'endroit où les lettres devaient circuler. Les épîtres. Amen. Romains chapitre 16, le verset 5. Romains chapitre 16, le verset 5. Le verset 10, le verset 11 et le verset 13, le verset 23. Donc, Romains chapitre 16, les versets 5, 10, 11 et 23. Donc, il y avait quatre communautés qui se réunissaient à Rome et dans les maisons. Tout le monde y est. 1 Corinthiens, on a fini avec Romains là. 1 Corinthiens, le chapitre 16, verset 15. Verset 19. On y va. Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4, verset 14 à 15. Colossiens chapitre 4, verset 14 à 15. Philippiens. Philippiens chapitre 4, le verset 22. Philippiens chapitre 4, le verset 22. Philémon. Bon, c'est un seul chapitre. Chapitre 1, les deux premiers versets. Le verset 1 et 2. Philémon chapitre 1, le verset 1 et 2. 2 Jean, second épître des Jean, pas l'évangile, second épître des Jean, verset 9 à 10. Vous y êtes? Chapitre 1, il y a un seul chapitre là. Jacques chapitre 2, le verset 2. Amen. Allez étudier, lisez progressivement et puis vous voyez cela, n'est-ce pas, frère? Donc vous voyez les dénominations, les gens utilisent aujourd'hui. Je connais des pasteurs et Dieu sait combien il y en a. Les pasteurs, ils n'ont pas encore d'autorisation. Ça veut dire que normalement, selon la loi où ils sont soumis, ils ne devraient pas fonctionner. Qu'est-ce qu'ils font? Ils fraudent. Ils fraudent. Par exemple, prenons une église banale, d'accord? Évangéliste du 19e jour. Voilà une dénomination, par exemple. Il a déposé le dossier. L'autorisation a été rejetée. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit quelqu'un qui est du full gospel. Il dit, je peux travailler sous couvert, vous? Mais il n'adhère pas aux doctrines et au cadre du full gospel. Donc ça veut dire que l'autorisation, full gospel, c'est comme si c'est leur extension là-bas. Mais là-bas, c'est sa dénomination. Il ne rend pas compte au full gospel. Vous comprenez ce qu'il veut dire là? Quelqu'un dit fraude, vol. Vous comprenez? Alors, toute maison qui est bâtie sur la fraude et le vol, qu'est-ce qui va en suivre? Ce sont des voleurs, n'est-ce pas? Quelle est l'onction qui est derrière? Le vol. Voilà pourquoi vous voyez le recensement de l'État. C'était scandaleux quand c'est sorti dans le journal que parmi les peut-être 3000 dénominations qui se trouvent au Cameroun, peut-être c'était 20 qui étaient en règle. Les autres servent qui et où? Satan va les forcer à entrer dans le conseil qui nous, comme le frère a dit tout à l'heure. Amen. Merci. Sur 3000 recensés, on a parlé de 45 qui avaient l'autorisation. J'aimerais qu'on touche un volet. Église de maison, les saints se réunissent. Y avait-il des femmes parmi eux? Exactement, il y avait les femmes. Vous prenez Romains au chapitre 16. Romains au chapitre 16. Romains au chapitre 16, n'est-ce pas? Le verset 1 dit quoi? Romains au chapitre 16, le verset 1. Romains chapitre 7, verset 1. Je vous recommande Phoebé, notre sœur qui est la diaconesse de l'église de Sancré. Alléluia. Très bien. Sancré, c'est le port oriental de Corinthe. Sancré, c'est le port oriental de Corinthe. À Corinthe, il y avait six shores. Sancré, c'est le port oriental de Corinthe. Et nous avons vu hier, pendant que nous parlions de la géographisation de l'église, Corinthe était comme Douala. Et puis Douala, à Douala, il y a un port, par exemple, comme là-bas, à Bonabéry. Vous voyez, Bonabéry est relié au port. Sancré, il y avait une maison de prière là-bas, chez un bien-aimé. Et la sœur Phoebe était diaconesse dans cette assemblée-là. Donc il y avait effectivement des femmes. Et dans Actes chapitre 12, le verset 12, nous voyons très bien, dans la réunion de prière, quand l'apôtre Pierre avait été libéré, on dit, après avoir réfléchi, il se dirige dans la maison de Marie, la mère de Marc, surnommée Jean, où beaucoup de personnes étaient réunies pour prier. Quand elle a toqué, c'est une femme qui est venue ouvrir la porte. Étant scandaleux, en voyant Paul, Pierre, à la porte, elle s'est retournée pour aller dire aux gens qu'il était libéré, n'est-ce pas, bien-aimé? Il y en a plusieurs autres versets. Très bien. Et il y avait Dorcas également qui servait dans Actes chapitre 10. Amen. En fait, ouais. Il faut qu'on soit clair par rapport à quelque chose. Nous ne sommes pas là pour dénaturer la femme. Nous sommes seulement là pour que chaque personne occupe sa place. En fait, donc, le Seigneur compte sur les femmes véritablement pour faire l'œuvre. J'aimerais qu'on parle de cette place. De la place de la femme. Voilà. La place de la femme. Il y avait les femmes, amen. Certes. Quelle était leur place au soir, aujourd'hui d'actualité? Quelle est la place de la femme au sein de l'Église biblique selon Christ? Ok. Donc, dans Actes 9, 36, la Bible nous dit là-bas que parmi les disciples, il y avait une femme nommée Dorcas, ce qui signifie, c'est quoi, Tabitha, c'est ça, non? C'est ça? Donc, quand on parle des disciples, ce n'est pas un terme générique qui s'adresse exclusivement aux hommes. Les disciples, c'est tous ceux et celles qui ont cru en Jésus. Donc les femmes sont comptabilisées parmi les disciples. Et maintenant, je veux dire une chose. Disciple ne veut pas dire apôtre. Amen. Parce que plusieurs, quand ils entendent disciple, ils pensent que ça signifie apôtre. Non. Tout apôtre, tout disciple, tout le monde qui a cru en Jésus est un disciple de Jésus. Mais maintenant, tout disciple de Jésus n'est pas apôtre. Parce que chacun a une fonction spécifique que Dieu lui a donnée. Les femmes peuvent rendre témoignage du Seigneur Jésus. La preuve, c'est que ce sont des femmes qui ont été les premiers témoins de la résurrection du Seigneur Jésus, comme toutes les autres personnes. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, dans le fonctionnement de l'Église, en assemblée, dans 1 Timothée 2, versets 12 à 15, Dieu dit là-bas qu'il n'a pas donné le droit à la femme d'exercer un ministère d'autorité sur l'homme. Ça veut dire que si les frères en Christ sont réunis quelque part, je veux dire, les disciples sont quelque part, il y a des femmes. S'il y a la présence d'un seul frère, s'il y a un seul frère, ça ne donne pas le droit à la femme d'enseigner. Mais la Bible nous montre que la femme peut instruire d'autres femmes. Mais la femme ne peut pas instruire l'homme. C'est-à-dire, les gens sont assis, la femme est devant et prêche. Dieu a interdit cela à la femme. Et le Seigneur a expliqué pourquoi dans 1 Timothée en disant que ça remonte au problème qu'il y a eu au jardin d'Éden. Quand la femme a voulu prendre le rôle de l'homme, la séduction est entrée. Parce que ce n'était pas Ève qui devait répondre à Satan. Qui devait le faire? Adam. Et quand la femme l'a fait, la séduction est entrée. Maintenant, quand on parle dans Apocalypse 2 de l'esprit de Jézabel, écoutez-moi très bien. L'esprit de Jézabel, c'est la séduction qui accompagne tout ministère dirigé par une femme. C'est pourquoi Dieu a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui est le symbole personnifié de la séduction. Il dit séduire et tromper mes serviteurs. et elle leur enseigne à faire ceci qui est contraire à ma parole. Et après, il dit qu'elle se dit prophétesse. Maintenant, nous en venons sur le cadre ministériel. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas d'apôtre femme. Il n'y a pas de prophétesse. Il n'y a pas de femme ancienne d'église. Il n'y a pas de femme évangéliste. Le fait qu'une femme prophétise ne fait pas d'elle une prophétesse. La fonction de prophète est différente de l'exercice du don spirituel de prophète. C'est pour ça que le Saint-Esprit explique ça dans Actes 21, versets 8 à 11, en montrant quatre filles qui prophétisaient dans l'assemblée de maison qui était chez l'évangéliste Philippe. Mais le verset 9 nous montre le prophète Agabus. Or, les hommes et les femmes, selon Actes 2, 17 à 18, tous ceux qui ont cru en Christ peuvent exercer les dons spirituels. Donc la femme peut exercer les dons spirituels, mais sans toutefois avoir l'un des cinq ministères majeurs, à savoir apôtre. Maintenant, il y a les gens qui se sont appuyés sur Romains 16, verset 7, en parlant du cas de Junias et Adronicus. Or, la Bible dit que la vérité est établie sur le témoignage de combien de versets? Les gens se sont appuyés sur ce seul verset qui n'est même pas bien expliqué là-bas pour dire que Adronicus et Junias c'était un couple romain d'apôtres, parce que Paul a dit que c'était des apôtres. Mais quand on étudie clairement le personnage d'Adronicus avec les preuves historiques à l'appui, Junias était un homme. Et ils étaient parmi les 3000 qui avaient cru le jour de la Pentecôte. Et c'est eux qui sont partis fonder l'église à Rome. Amen. Et maintenant, la Bible nous montre qu'une femme peut assister son mari sur le terrain missionnaire, mais c'est lui qui est devant. Et le Saint-Esprit a montré à 5 reprises l'exemple de Priscille et Aquilas. Priscille n'était pas celle qui prêchait, c'était Aquilas. Parce que ce qui a été dit dans 1 Timothée 2 s'applique également à Priscille et Aquilas. Paul ne fait pas des exceptions à ce niveau, puisqu'il a dit que, il dit que c'est un ordre qu'il donne de la part du Seigneur. Et dans 1 Corinthiens 14, versets 33 à 34, Paul a dit là-bas que la femme ne doit pas enseigner, la femme doit se taire en assemblée. Quand on dit se taire, qu'elle ne doit pas parler, il est malséant à une femme de parler dans l'église. Le mot parler là-bas dans le grec, c'est l'aléo. Je veux relancer. Amen. Je veux relancer. Oui, je risque de perdre le fil, s'il te plaît. Vas-y. Donc, ceci étant, la femme, donc, elle a une fonction que le Seigneur lui a donnée dans la parole. Dans la parole, on a vu des femmes être diaconesses. Et dans 1 Timothée 3, 11, la Bible nous montre là-bas les caractéristiques des femmes qui sont appelées à exercer le diaconat. Et nous voyons dans Romains 16, 1 et 2, l'exemple de Phoebe qui était diaconesse. Et maintenant, il y a trois exemples qui prêtent à confusion. Il y a le cas de la prophétesse Anne dans Luc 2. On met déjà ce cas de côté parce que l'église n'était pas encore née à ce moment-là. Et elle était prophétesse de jeûne et de prière. Nous précisons bien. Et maintenant, nous avons également un autre cas qui prête à confusion. C'est quand on lit dans 2 Jean où Paul parle à Kyria. Quand on dit Kyria, Kyria là-bas, ce n'est pas une personne. Kyria, c'était le nom de l'assemblée locale à qui Jean écrivait. Kyria, qui est le féminin de Kyrios, qui signifie Seigneur. Donc il s'adressait à l'église, à une église, et il a personnifié cette église-là comme étant Kyria. Mais Kyria, ce n'était pas le nom d'une femme qui était chef d'une église quelque part. Oui, exactement. Dans cet esprit de Jean, en fait, comme le frère André dit de façon prophétique, l'apôtre Jean donnait l'image comme ça à l'assemblée. Parce que l'église est personnifiée par une femme, n'est-ce pas, en prophétie, si vous lisez les prophéties bibliques. Mais même si nous prenons l'interprétation de telle enseigne que c'était adressé à une personne, ça ne fait pas de cette personne-là non plus la chef de cette église. Parce que le verset 9 dit clairement que je rends grâce à Dieu. Il est en train de féliciter la femme-là qui a bien dirigé ses enfants dans le Seigneur. Parce qu'elle a appris comment ses enfants marchaient dans la vérité. Ça veut dire que si nous prenons cette image-là comme si c'était adressé à une femme qui était la femme dans cette assemblée, ça montre clairement encore une fois de plus la place de la femme dans l'assemblée. Celle qui est la maman qui doit s'attentionner, donner les bonnes éducations à son enfant. C'est pour ça qu'il félicitait. Donc si on prend les deux cas, ça ne donne en aucun cas le cadre où la femme doit prendre l'autorité sur l'église. Donc il faut qu'on voit que la femme a une place véritablement majeure. Les dons spirituels qui sont mentionnés dans 1 Corinthiens 12, la femme a accès à tous ces dons spirituels. Amen. Mais ce que nous voulons parler, c'est ceci, c'est que l'autorité, la direction de l'église a été confiée aux hommes, au seul homme. La femme n'a pas part au ministère d'autorité à l'église. Tout le monde comprend? Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité. Donc, enseigner en prenant l'autorité sur l'homme. C'est ce que Et autre chose, c'est que dans 1 Timothée, les gens disent que c'est un problème culturel. C'est ici maintenant de régler encore un autre problème. Dieu ne traite pas avec la culture. Il traverse. La Bible déclare qu'à toujours, ta parole est... À toujours, ta parole, dans le psaume 119, il dit qu'à toujours, ta parole est établie dans les cieux. Ça veut dire qu'avant que les Corinthiens n'existent sur la terre, c'était écrit dans 1 Timothée qui se trouve dans le ciel là-bas, que je ne permets pas la femme d'un. Tout le monde comprend. J'espère que vous n'êtes pas fâché de moi. Voilà. C'est la parole. Je voudrais relancer. Le frère Olivier peut déjà chercher 1 Corinthiens 14, 26. Oui. Il lit d'abord. C'est à partir de ça que je vais poser la question. Le frère là, il ne veut pas nous laisser ce soir. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. 1 Corinthiens 14, verset 26. Que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Très bien. J'aimerais savoir si la femme ne devrait pas enseigner. Pour qui est mis les uns et pour qui est mis les autres? Bonne question. En fait, cette confusion légalement, il y a ça dans les pensées des gens sous une autre forme. Quand nous parlons, par exemple, que la femme, le ministère prophétique est différent des dons de prophétie. Quelqu'un prend, par exemple, Actes chapitre 2, verset 14-17. L'autre prend Joël chapitre 2, verset 28. Ça se trouve dans les pensées là maintenant. L'autre en a posé des questions. Parce que Dieu a dit, bien entendu, mon esprit sur toute chair. Il y a une question d'un participant. Ok. Donc, Dieu a dit, j'ai versé mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Je pose la question. Tous ceux qui sont dans cette salle-ci, qui ont reçu l'esprit de Dieu, levez les mains. Donc, il dit, tous ceux qui dans cette salle-ci ont l'esprit de Dieu, lèvent la main. Ah, les gens ont des problèmes. Ou bien d'autres ne comprennent pas ce qu'il dit. Ok. Admettons que tous ceux qui ont levé la main, vous avez l'esprit de Dieu, n'est-ce pas? Dieu vous connaît. Je pose la question. Parmi vous tous, tous ceux qui prophétisent, levez les mains. Vous avez remarqué qu'il n'y a plus une main debout. Alors, dans ce cas, que comprendre de Actes chapitre 2, verset 14. Puisqu'il est dit, j'ai versé mon esprit toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. N'est-ce pas? Vous avez reconnu que vous avez reçu tous l'esprit de Dieu. Mais pourquoi vous tous ne vous prophétisez pas? Plus tard, dans l'apôtre va expliquer, tous prophétisent-ils? N'est-ce pas? Dans le cadre d'un Corinthien là, tous parlent-ils en langue, tous sont-ils apôtres? C'est pour dire qu'il y a un message général pour tout le monde. En fait, nous avons reçu le même esprit. Mais après maintenant, il faut qu'on nous enseigne, il faut que nous comprenions que cet esprit-là, donc quand ça vient, ça impacte le don à chacun en particulier comme il le veut. Donc il y a d'abord le cas général. Ça veut dire que ce cadre-là dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, ne peut pas être pris pour dire que la femme a le droit d'enseigner. Pourquoi? Parce que c'est un cadre d'abord de l'ordre. Après cela, il faut que nous comprenions dans chapitre 14, puisque nous y sommes. Au verset 30 à 34, il continue en disant que pour les femmes, il faut qu'elles se taisent. Après avoir dit cela, vous comprenez cela? Verset 26 dit que quand vous réunissez, quelqu'un a-t-il des cantiques? Elle peut chanter des cantiques. Mais quand il s'agit de l'enseignement, parce que l'enseignement, c'est ça donne la direction à l'église. Donc par la suite, il faut comprendre, ce verset pour dire que à partir d'ici, je peux faire ceci. Il faut lire dans la totalité, dans la pensée de Dieu. Après avoir dit que lorsque vous réunissez, que tout se passe avec bien science, quelqu'un a-t-il des cantiques, chanter et autres. Et là-bas, il n'a pas parlé d'enseignement. Il n'a pas d'enseignement. L'exhortation, elle a le droit au ministère d'exhortation. Elle peut exhorter les uns les autres, mais pas à l'enseignement. L'enseignement, ce qu'on est en train de dire, c'est que les femmes n'ont pas, il faut qu'on soit clair, ce n'est pas nous qui disons, c'est la parole de Dieu qui dit. Amen. Les femmes n'ont pas droit au ministère d'autorité, de direction spirituelle. Voilà pourquoi, comme le frère Olivier a cité Éphésiens, non. Actes chapitre 21, verset 8 à 11, il y avait l'église qui se réunissait chez l'évangéliste Philippe. Ces quatre filles qui étaient vierges, j'imagine qu'elles le sont aussi. Et les quatre filles qui étaient vierges prophétisaient. Mais quand il fallait donner la direction du Seigneur à la cette époque, le prophète Agabus, qui était de l'église de Jérusalem, est venu à Antioche pour le faire. Vous voyez la chose? Ça veut dire que le Saint-Esprit ne peut pas se contredire. Les femmes sont là, elles sont là, elles prophétisent. Maintenant, la direction, pour donner la direction à l'église, Agabus se lève au milieu maintenant de l'assemblée. Il dit, ok, voici ce que le Seigneur a programmé. Il doit y avoir une famine sur toute la terre. Et la Bible nous explique qu'elle arrivait effectivement sous Claude. Maintenant, c'est pour donner maintenant l'orientation. La Bible déclare à partir de là, tous les chrétiens se sont préparés pour faire des collectes, pour envoyer aux saints qui étaient dans le besoin dans toute la Judée. Amen. Voilà, ce participant a bien cité Joël 2. Verset 28. Et c'est Joël 2, verset 28, est repris par le frère Pierre dans Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu, que c'est l'accomplissement de cela. Et je viens de vous poser la question par rapport à l'accomplissement. Vous avez dit que vous tous ne prophétisez pas. Ce n'est pas pour dire que le verset est faux. C'est pour dire que le Saint-Esprit que vous avez reçu, la personne qui prophétise, c'est le même Saint-Esprit. La personne qui prophétise, c'est le même Saint-Esprit. Il n'y a pas deux Saint-Esprits. Amen. Il indique également que Dieu a utilisé des femmes pour le réveil. Okay. En Asie, okay. Et en Europe au 19e siècle. Ok. En fait, ça c'est le cadre hors dans l'histoire de l'Église, n'est-ce pas? Mais en regardant également dans le Nouveau Testament, on voit également. Le cas de la femme samaritaine. Le cas de la femme samaritaine qui remarquait très bien qu'elle allait puiser l'eau à 15 heures. Pourquoi? Parce qu'elle était une prostituée. Normalement, en Israël, les vierges vont en groupe au puits puiser de l'eau. D'accord? Elles partent en groupe parce qu'elles sont fiers. Mais elle était seule parce qu'elle était rejetée par la société. Il faut qu'elle parte à l'heure où les gens partent à la prière parce que la 9h était l'heure de prière. Amen. Elle va à 15 heures pour puiser l'eau pour que quelqu'un ne la voit pas. Elle était la risée. Mais Jésus-Christ savait que c'était une fille d'Abraham. Elle est venue par là. Quand Jésus-Christ est venu lui a parlé, il a réveillé la sémence de la vie qui était là parce que Satan avait englouti avec les ténèbres. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a plus eu honte de n'importe quoi. Elle allait en ville parler, même si je suis prostituée. Je vois maintenant quelqu'un qui m'aime vraiment, pas les 5 autres maris que je cherchais là. Amen. Elle a amené quoi? Le réveil. Ça a fait d'elle femme samaritaine ministry. Elle est devenue docteuse de l'église de la Samarie. Faisons attention. Amen. Le frère a bien dit, Dieu peut susciter n'importe qui pour provoquer le réveil. Nous sommes d'accord? Ça ne fait pas d'elle les porteuses parce qu'il y a maintenant les faiseurs des disciples. Ce qui n'est pas dans la parole de Dieu, il y a ma mère spirituelle, la mère spirituelle, Astarté. Vous voyez? Donc, Dieu peut initier une œuvre comme elle a initié là-bas, et puis les gens viennent établir. Remarquez très bien que dans cette même Samarie, l'évangéliste est venu annoncer là-bas, prêcher, baptiser les gens. Les apôtres sont venus fonder l'église. Amen. Mais l'œuvre initiale, c'est cette femme-là. Très bien. Je voudrais aller dans le même sens pour compléter là où il a terminé. Il n'y a pas de mère spirituelle dans le Nouveau Testament. Quand vous lisez, le Saint-Esprit a réglé cette question dans 2 Timothée 1. Quand vous lisez 2 Timothée 1, Paul s'adresse à Timothée et il appelle Timothée comment? Son enfant. Donc la parenté spirituelle existe. Quand le Seigneur Jésus dit « Ne vous faites pas appeler père sur la terre », ça veut dire que la parenté spirituelle n'est pas un titre. Que tu vas commencer à appeler quelqu'un daddy, que tu vas commencer à appeler quelqu'un papa. La parenté spirituelle est une fonction. C'est le rôle que quelqu'un est appelé à jouer à un moment donné dans la vie d'une personne. Maintenant, Dieu n'a pas donné ce rôle aux femmes. Quand vous lisez 2 Timothée 1 attentivement, vous allez voir là-bas que quand on parle de Timothée, la Bible dit que il a été éduqué spirituellement par deux femmes. Qui étaient qui? Eunice et Loïs, qui étaient sa mère et sa grand-mère. Elles ont instruit Timothée dans la voie du Seigneur. Maintenant, quand Timothée est arrivé à un moment où il pouvait lui-même voler de ses propres ailes, Dieu lui a donné son parent spirituel qui était qui? Paul. Pourtant, il n'a pas dit que ce sont ses femmes, ses mères spirituelles. Pourtant, elles ont instruit. Le fait qu'une femme peut instruire un enfant dans le Seigneur, ça ne fait pas d'elle la mère spirituelle. C'est pour ça que quand le Seigneur finit de traiter la question de la position de la femme dans l'Église, dans 1 Timothée 2, il dit au dernier verset de 1 Timothée 2 qu'elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. C'est pour montrer que Dieu a donné à la femme le droit d'engendrer sur le plan naturel, mais pas sur le plan spirituel. Amen. Et maintenant, les seuls deux exemples de mère spirituelle qu'on a dans le Nouveau Testament, c'est Jézabel dans Apocalypse, et qui? Et la grande Babylone. Maintenant, quand une femme devient mère spirituelle, elle porte l'esprit de Jézabel, qui est la séduction, et Satan entre facilement. Dans les deux seuls exemples de mère spirituelle, on voit Jézabel, on dit, Dieu dit, je ferai mourir ses enfants. Ça veut dire qu'elle était mère spirituelle. Et quand il parle d'Apocalypse 17, parlant de la grande Babylone, il dit qu'il parle de ses enfants, la mère des impudiques. Donc, ce n'est pas une femme peut évangéliser, les gens donnent leur vie à Jésus, mais ce ne sont pas tes enfants spirituels. Confie-les à un frère, et ce frère-là, sur le plan, sur le terrain, sur le plan théorique, il devient le parent spirituel, sans toutefois qu'on l'appelle papa, parce que c'est une fonction. Paul a montré que la parenté spirituelle existe réellement. Il a dit dans, je crois, 1 Corinthiens 4, verset 15, il a dit que vous pouvez avoir 10 000 maîtres en Christ, mais vous avez cependant un seul père, car c'est moi qui vous ai engendré en Christ par les liens de l'évangile. Donc la parenté spirituelle existe, elle a été donnée aux hommes, elle n'a pas été donnée aux femmes. Donc une femme peut évangéliser, une femme peut gagner des âmes, une femme ne peut pas baptiser. On n'a pas vu dans le Nouveau Testament une femme qui baptisait. Donc si une femme, Dieu l'utilise même pour amener un frère dans la foi, un monsieur dans la foi, il faut qu'elle cherche un frère. Et maintenant j'entends une question là-bas où on est en train de demander dans le cœur que et s'il n'y a pas de frère à côté, Dieu a toujours, s'est toujours réservé un reste fidèle quelque part. Alléluia, la question est venue de là-bas. Merci. Les dons spirituels. On aimerait un peu comprendre que vous nous parliez des dons spirituels. Tout d'abord, quelle est la différence entre un don et un ministère? Et est-ce que vous pouvez de manière schématique, classer ces dons spirituels dont la Bible parle. Donc, je vais d'abord dire il y a une différence entre au niveau des dons. Il y a les dons naturels. Les dons naturels n'ont pas de fonction dans l'Église. Amen. Parlant des dons naturels, les dons naturels sont donnés par Dieu le Père. Jacques chapitre 1, verset 17. La Bible dit tout don vient d'en haut, tout don parfait vient d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni ombre, ni variation, ni changement. Et le mot don là-bas, c'est dorema. Ça veut dire une aptitude naturelle. Par exemple, l'habileté pour chanter, l'habileté naturelle pour faire telle ou telle chose, ce que tu fais naturellement avec le plus d'aisance. Et les dons naturels, comprenez-moi très bien, les dons naturels fonctionnent dans un cadre hors Église. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vais me redire. Les dons naturels fonctionnent dans un cadre hors Église. C'est-à-dire quoi? Que si quelqu'un a une aptitude naturelle, Dieu n'a pas montré dans le Nouveau Testament des personnes qui ont utilisé leur aptitude naturelle dans l'Église. Par exemple, qui sait que chacun des disciples avait une aptitude naturelle? Qui le sait? Il y en avait qui étaient pêcheurs de poissons, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils ont organisé les concours de pêche à l'Église? Vous riez. Paul était fabricant de tentes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce qu'il a fabriqué les églises de tentes? Ça veut dire que toute aptitude naturelle est un métier et non un ministère. Ça veut dire que si tu sais chanter, tu n'es pas un chantre. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de chante. Ça veut dire que tu es artiste, va t'enregistrer à la quoi? Quoi? Ça s'appelle comment? La Sosico quoi? Socam, va t'enregistrer là-bas. Et maintenant, dans ce cadre-là, ça ne veut pas dire que comme ces dons naturels ne fonctionnent pas sous le cadre de l'Église, ça veut dire que Dieu n'a pas son œil dessus. La Bible dit que tout ce que vous faites en parole ou en acte, faites tout au nom du... Maintenant, quelqu'un pose la question. N'est-ce pas dans l'Ancien Testament, Dieu a utilisé Bezalel et qui? Oholiab, qui avait des dons naturels pour faire quoi? Pour construire, pour faire la sculpture, pour faire les œuvres d'art. Dans le Nouveau Testament, il n'y a rien à construire. Amen. Donc le cas de Bezalel et Oholiab ne peut pas s'appliquer à l'Église. En fait, les deux, le cas qu'il a cité dans l'Ancien Testament nous montre quelque chose qui est également vrai dans le Nouveau Testament. Ces personnes-là, pour montrer clairement, parce qu'ils devaient faire les sculptures par rapport à l'œuvre de l'Éternel, n'est-ce pas? Il fallait que Dieu leur donne les dons spéciaux par rapport à cela, c'est une capacité à faire exactement recopier pour que Moïse, parce que Moïse n'avait pas une photographie ou bien une caméra qui devait leur montrer ce qui était écrit, n'est-ce pas? Il fallait qu'il soit en communion d'esprit pour que quand il parle par l'esprit de ce qu'il a vu là-bas, celui-là puisse avoir cela dans son esprit. Un. De deux, pour qu'on fasse l'œuvre de Dieu, il fallait qu'il ait l'esprit de Dieu en lui. Ça nous montre ceci. Regardez Actes chapitre 6. Lorsqu'il y a un problème de murmure entre les hellénistes et les femmes hébreux qui s'est posé au milieu de l'église à cause des distributions qui se faisaient chaque jour, n'est-ce pas? La part qui se faisait chaque jour. Quand ça s'est passé, le Saint-Esprit a fait quelque chose. Il y a des choisissez parmi vous sept hommes de qui on rend bon témoignage. Qui soit quoi? Qui soit rempli. Ça veut dire que toute fonction qu'on veut faire pour Dieu, on doit avoir l'Esprit de Dieu. Donc ça veut dire que ce n'est pas comme aujourd'hui, ce sont les premiers diacres. Ce n'est pas aujourd'hui que quand on regarde que celui-là, il travaille où? On a mis les protocoles à l'église aujourd'hui où, quand on regarde quelqu'un qui travaille à Sonnel et autres, on voit comment il est garé à la voiture, regarde, prend son numéro. On le nomme ancien. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'on colporte seulement les gens. Les gens qui ont la fonction d'ancien. Il y a un ancien qui est venu me voir, j'ai prié pour lui. Il dit, comment tu marches, tu bavades les versets comme si c'était toi qui étais la Bible. Il dit, mais toi tu es ancien d'église, non? Il dit, ah, c'était un professeur. Il dit, ah, ancien m'a donné ça parce que je donnais beaucoup de dîmes là-bas. Il a dit ça. Il dit, un jour, on lui a demandé d'aller prêcher. Le pasteur était absent. On allait prêcher. Il ne connaissait pas où il y avait Matthieu. Il a appelé un de ses, il a chargé le crédit de 5 000. Appelé un de ses amis qui est encore à l'école de théologie. Donc il va finir sa part avant de venir comprendre qu'il faut sortir de là. Son ami à l'école de théologie, il a dit que comment on prépare un culte pour qu'il va dire. Est-ce que vous comprenez? En plus, lui-même, comme ça, il était encore dans la prostitution, l'ancien. Vous comprenez? C'est pour compléter ce que le frère André dit que pour faire l'œuvre de l'Éternel, il faut être rempli du Saint-Esprit. Remarquez que les sept qui avaient été choisis devaient servir où? À table. Pourquoi? Parce que ce sont les gens, l'œuvre de l'Éternel, l'œuvre qui est chère à l'Éternel, les chrétiens qui doivent manger à cette table-là. Alléluia. Donc j'aimerais dire clairement qu'il y a une démarcation entre la profession et la prophétie. Amen. Amen. Quelle était la profession de Jésus? Menuisier. Jésus a fabriqué les églises en bois. Hein? Vous voyez donc que ton aptitude naturelle doit fonctionner dans un autre cadre. Dieu donne les aptitudes naturelles pour ton gagne-pain. Amen. Toute aptitude naturelle a le droit d'un salaire. Ça veut dire que tout travail qui est fait selon l'effort humain nécessite une rémunération. C'est Dieu qui a dit ça dans Genèse. Ça, là-bas, ça ne s'applique pas à, sous la loi ou sous la grâce. C'est pour toute l'humanité jusqu'à la fin du monde. Donc, c'est pour dire quoi? Que si tu as une aptitude naturelle pour chanter, ne viens pas dire que Dieu t'a donné le ministère de louange, parce qu'il n'y a pas le ministère de louange dans le Nouveau Testament ou le don de chant. Maintenant, comment tu vas utiliser cette aptitude naturelle? Les aptitudes naturelles, d'après Matthieu 25, nous devons les utiliser pour gagner les âmes. C'est-à-dire pour multiplier. Ça veut dire là où tu travailles, avec cette aptitude naturelle, tu dois évangéliser les gens dans ce milieu-là. C'est pourquoi la Bible dit tout ce que vous faites, Colossiens 3, 17, en parole ou en acte, faites tout pour la gloire de Dieu. Parce qu'il y a les gens qui vont dire que, ok, ça veut dire que comme ce n'est pas les dons qui fonctionnent dans l'église, allons alors faire n'importe quoi. Dieu a toujours un regard, que tu sois hors de l'église ou dans l'église. Comprenons cela très bien. Maintenant donc, d'où sont venues les constructions et tout ça, les basiliques et tout ça, c'est venu de l'église catholique romaine au 2e et au 3e siècle. Les sculptures qui s'inspiraient de l'art gothique et de toutes ces choses-là, ça ne s'était jamais dans la pensée du Saint-Esprit. Donc il n'y a rien à construire ou à décorer dans l'église du Nouveau Testament. Parce que s'il y a quelque chose à bâtir, à décorer, ce sont les vies qui doivent être bâties et décorées à la ressemblance de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour ça que quand on décore les bâtiments et tout ça, Jésus dit que nous sommes les tombeaux blanchis. Ça veut dire que tu décores le tombeau, à l'intérieur il y a la pourriture. Donc nous ne devons pas décorer les bâtiments. Ça ne veut pas dire que l'endroit où on se réunit doit être sale. Hein? Comprenons très bien cela. Maintenant, quand la Bible parle des dons, les dons naturels viennent de Dieu le Père. Et nous allons rendre compte, d'après 2 Corinthiens 5, 10, de tout le bien ou tout le mal que nous avons fait étant dans notre corps. Ça veut dire que pour toute aptitude naturelle que Dieu t'a donnée, tu rendras compte. Maintenant, si quelqu'un dit qu'il a l'aptitude naturelle pour conseiller les jeunes, va t'inscrire au Fonds national de l'emploi. Tu demandes là-bas que tu veux travailler comme conseiller d'orientation des jeunes. Mais ne viens pas créer la confusion dans l'église de Dieu en créant le ministère des jeunes. Si tu sens que tu peux t'occuper des enfants, va au ministère de l'éducation nationale, dépose ton CV là-bas et dis que tu veux postuler à une école maternelle, mais ne viens pas créer un ministère étranger au Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Si maintenant tu as une aptitude pour l'ordre, pour la discipline, il n'y a pas les bodyguards dans la maison de Dieu, où tu vas venir avec tes muscles pour dire que tu es le chargé de discipline. Comme Dieu t'a donné les muscles, c'est pour utiliser ce don dans l'église, pour boxer les frères qui sont dans le désordre. Non! Comme aujourd'hui, les pharisiens modernes ont tous les gardes du corps. Dès qu'ils prêchent, les gardes du corps se déplacent. Dès qu'ils font cela, dès qu'ils marchent, les gardes du corps se déplacent. Je n'ai pas besoin de ça. Parce que quand je marche, il y a une cohorte d'anges qui marche là derrière. Alléluia! Ça veut dire que si ceux-là, les hommes les gardent, ça veut dire qu'ils ont peur de quelque chose. Moi, je n'ai peur de rien. Tente de lancer la chaussure, ça s'arrête en l'air. Parce qu'il y a les anges là devant. Alléluia. Donc, nous n'avons rien à craindre parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Maintenant, s'agissant des dons spirituels, les dons spirituels sont appelés charisma. C'est différent des dons naturels. Les dons spirituels sont donnés par le Saint-Esprit. Et il y en a 9. Parole de connaissance. Parole de sagesse. Parole de connaissance, c'est quoi? C'est quand? Parce qu'il faut qu'on vous explique ces choses pour que vous ne voyez plus les serviteurs de Dieu comme des marabouts. Parce que toi-même, tu peux exercer ces dons-là. Amen. Les paroles de connaissance, c'est quoi? C'est quand quelqu'un reçoit une connaissance que Dieu seul a au sujet d'un problème. Les paroles de sagesse, c'est quand Dieu te donne la parole qu'il faut au moment opportun. C'est là où Jésus a dit que ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. La parole vous sera donnée à l'instant. Quand Étienne est devant les pharisiens qui sont en train de l'accuser dans Acte 7, la Bible dit qu'il ne pouvait résister à la sagesse de l'esprit par lequel il parlait. C'était les paroles de sagesse. Quand Jésus est devant Satan, quand il répond, il est écrit. Ce sont les paroles de sagesse. C'est pour ça que si tu n'as pas la Bible en toi, le Saint-Esprit ne peut pas te donner les paroles de sagesse. Les paroles de sagesse, c'est la parole que le Saint-Esprit te donne à un moment donné. Et il faut déclarer cette parole-là. La parole de connaissance, c'est quand Dieu te révèle quelque chose qui est caché dans la vie d'une personne. Amen. Maintenant, ne fabrique pas ça. Ne t'apprête pas déjà que quand tu vas venir prêcher, si tu vois une sœur qui fait comme ça, tu vas dire que « Sœur en Christ, je connais l'esprit qui est caché derrière toi. » On ne programme pas le Saint-Esprit. C'est lui qui nous utilise comme il veut. Maintenant, il y a le don du discernement des esprits. Le don du discernement des esprits, c'est quand Dieu te permet de savoir quel est l'esprit qui opère derrière telle ou telle chose. Nous avons vu dans Acte 16 l'esprit de Python. Jésus a lui-même discerné plusieurs fois l'esprit qui opérait dans les vies des personnes qui étaient possédées devant lui. Nous avons également le don de il n'y a pas le don de vision. Amen. Parmi les dons spirituels, il n'y a pas le don de vision. Mais maintenant, les visions sont un sous-ensemble du don de prophétie. Quand vous lisez Acte 2, 17, la Bible dit « Je déverserai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. » Donc les visions sont un sous-ensemble du don de prophétie. Mais maintenant, ce n'est pas tout le monde qui peut exercer le don de prophétie avec accompagnement de vision. Dieu fait comme il le veut. Maintenant, il y a également le don des guérisons. Le don des guérisons, c'est lorsque Dieu t'utilise pour guérir. C'est lorsque dans un moment, dans une réunion chrétienne ou dans un rassemblement, tout le monde est guéri sans exception. Tout le monde est guéri sans exception. Ça, c'est le don des guérisons. Jésus a exercé cela à un moment où la Bible disait que tous ceux qui rentraient étaient guéris, tous, sans exception. Maintenant, il y a le don des miracles. Le don des miracles, c'est une intervention surnaturelle. Une intervention sur les conditions naturelles. Par exemple, si la pluie tombe là, tu dis, pluie, arrête-toi, la pluie s'arrête. Ça, c'est le don des miracles qui s'opère sur la nature. Jésus en a opéré 7 dans les évangiles. Paul, quand le serpent vient s'attacher sur sa main, il met sa main au feu. Ça, c'est le don des miracles. Le don des miracles touche la nature, l'environnement. Quand Jésus change l'eau en vin, c'est le don des miracles. Mais maintenant, il y a également le don de foi. Le don de foi, c'est quand Dieu te donne une foi surnaturelle dans un moment extraordinaire. C'est-à-dire, ce n'est pas la mesure de foi dont la Bible parle dans Romains 12, 3. La mesure de foi est différente. Maintenant, le don de foi, c'est une foi surnaturelle que Dieu te donne. L'être humain ne peut pas supporter ce type de foi-là tout le temps. C'est pour ça qu'il y a les moments où, quand Dieu te donne d'exercer dans le don de foi, nous avons vu par exemple avec Paul, quand il met sa main au feu. Ça, c'était le don de foi. Dieu lui a donné cette foi surnaturelle à ce moment-là. Il fallait qu'un autre jour, il aille mettre sa main dans le feu. Ça allait bouffer sa main correctement et bien faire le saut avec. Vous voyez que le don de foi est saisonnier. Ça veut dire Dieu peut donner ça à un moment donné. Et maintenant, vous voyez, quand les 9 dons spirituels, hommes et femmes, peuvent opérer là-dedans. Amen. Puisque la Bible dit que désirer les dons spirituels. Maintenant, le plus grand de tous les dons spirituels, c'est le don de prophétie. Parce qu'il édifie l'ensemble. Maintenant, il y a le don de la diversité des langues. La diversité des langues, c'est-à-dire la capacité de parler plusieurs langues. Et c'est ce don-là qui nécessite l'interprétation des langues. Amen. Donc voilà au sujet des dons spirituels. Mais maintenant, à côté des dons spirituels, il y a les dons ministériels, dont la Bible parle dans Éphésiens 4, versets 11 à 12, et particulièrement à partir du verset 8. Et les dons spirituels sont donnés par Jésus-Christ. Les dons naturels sont donnés par qui ? Dieu le Père, Jacques 1, 17. Les dons spirituels sont donnés par le Saint-Esprit, d'après Hébreux 2, verset 4, et aussi d'après 1 Corinthiens 12. Maintenant, les dons ministériels sont 5. Les dons de direction pour l'Église sont donnés par Jésus-Christ, à savoir apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur, c'est-à-dire la fonction pastorale qui est exercée par les anciens et qui sont encore appelés les évêques. Donc voilà au sujet des dons. Et maintenant, quand vous lisez Romains, chapitre 12, verset 4, jusqu'au verset 8, je crois, le Seigneur a donné là-bas les dons qui sont en exercice dans l'Église. Il y en a 6. Il parle du don. Frère, est-ce que tu peux me communiquer les pour que, si je me trompe, tu... Il y a premièrement le don de prophétie. Là-bas, il parle dans Romains 12, parce que je suis en train de paraphraser à cause du temps. Il y a un enseignement qui explique tout ça. Vous pouvez vous enregistrer là-bas derrière. Donc, quand il parle à partir du verset 4, il dit que nous sommes plusieurs et nous avons une fonction différente dans le corps de Christ. Le premier don qu'il cite, il dit, puisque nous avons plusieurs dons différents, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Maintenant, le don là-bas, c'est charisma. Ça parle des dons spirituels. Mais pourquoi il parle du don de prophétie ici? Parce qu'il dit que celui qui a reçu le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Le Saint-Esprit présente la première catégorie des dons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, suis très bien. La première catégorie des dons. Et la première catégorie des dons est représentée par le don de prophétie. J'ai demandé au Seigneur, pourquoi tu as pris le don de prophétie, pas un autre, alors qu'il y en a 9. Maintenant, ensuite, il dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Ici, il parle, et après, il dit que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Ici, il parle des dons ministériels qui sont représentés par le don d'enseignement. J'ai dit, Seigneur, il y a 5 dons ministériels. Pourquoi tu prends seulement le don d'enseignement? Parce que le don d'enseignement, c'est le don le plus délicat parmi les 5. Si on enseigne mal, les gens vont en enfer. Si on enseigne bien, les gens se préparent bien pour le ciel. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans Jacques 3, verset 1, qu'il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de gens qui enseignent, parce qu'on sera jugé plus sévèrement. Troisième type de don que le Saint-Esprit présente dans l'Église, il dit que celui qui exhorte a l'exhortation. Maintenant, le don d'exhortation est différent de l'exhortation mutuelle. Est-ce que quelqu'un comprend? Au niveau de l'exhortation mutuelle, exhortez-vous les uns les autres. La femme peut participer à ce niveau. Maintenant, le don d'exhortation, nous avons vu dans la Bible Barnabas qui avait le don d'exhortation. La Bible l'appelait fils d'exhortation. Ça veut dire, ce don d'exhortation, c'est le don que Pierre a exercé le jour de la Pentecôte. La Bible dit qu'il leur adressa plusieurs exhortations en leur disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Donc la Bible nous a montré des hommes qui ont exercé publiquement le don d'exhortation. Le don d'exhortation, c'est l'encouragement. L'encouragement public, comme on dit, haranguer les foules, haranguer les gens, les motiver. Ça, c'est le don d'exhortation. Maintenant, la Bible parle également, c'est le quantième. Le don d'exhortation, c'était le troisième. Et ensuite, on dit que celui qui donne le fasse avec libéralité. Il y a maintenant le don des libéralités, qui est différent de la pratique des libéralités générales. Ça veut dire que tous les chrétiens doivent pratiquer les libéralités, c'est-à-dire donner des offrandes libres. Mais maintenant, le don des libéralités, ce sont les gens que Dieu a établis dans les assemblées, des gens qui ont plus de moyens financiers que les autres. Ceux-là, leur responsabilité, c'est de pourvoir matériellement et financièrement à l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire que le poste que Dieu leur a donné dans l'entreprise où ils sont, ce n'est pas pour rien. C'est pour qu'ils puissent servir l'Église au niveau matériel, au niveau logistique, au niveau financier. Maintenant, si ceux-là ne font pas leur travail, c'est de, quand la Bible dit dans Galates 6:6 que certains voleurs ont utilisé pour vous escroquer, en disant que celui à qui on enseigne la parole doit faire part de tous ses biens. Donne-moi ta voiture. Ce n'est pas ainsi. Dans Galates 6:6, quand la Bible parle ainsi, la Bible met la complémentarité qui existe entre le don des libéralités et le don d'enseignement. Ça veut dire que si, je prends un exemple ici devant nous, si des personnes avec qui le Seigneur nous a appelés à travailler, qui n'avaient pas exercé le don des libéralités, c'est que vous ne verrez pas ces appareils aujourd'hui. Et par conséquent, je ne pourrais pas exercer le don d'enseignement. Vous comprenez ça, hein? Donc la Bible met en exergue la complémentarité entre le don d'enseignement et le don des libéralités. Ça veut dire que ceux-là soutiennent matériellement l'œuvre pendant que les autres font également bien le travail sur le plan spirituel. Ça veut dire que si eux ne font pas leur travail, le travail spirituel ne peut pas être fait. C'est pour ça que dans le corps de Christ, chacun a une responsabilité. Et maintenant, le don des libéralités peut être exercé par les hommes comme par les femmes. C'est pour cela que si tu penses que tes richesses t'appartiennent alors que Dieu t'a envoyé dans une assemblée où tu vois bien les besoins, mais tu joues au chiche, tu vas rendre compte à Dieu parce que tu n'as pas exercé le don des libéralités. Ensuite, la Bible parle celui qui préside. Ça, c'est le quantième. Le cinquième, c'est le don de présidence ou le don de gouvernance. C'est pour cela que dans l'Église, tout le monde n'a pas le don de présidence. Parce que maintenant, le problème quand on sort des systèmes, c'est que quand les gens rentrent dans les maisons, tout le monde veut maintenant montrer que, ici là, c'est chacun qui doit faire tout et l'Église devient le désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il y a des gens qui ont le don de président. C'est pour ça que c'est eux-là que vous verrez souvent le plus en plus devant. Alléluia. Comme le frère là qui est en train de nous présider. Alléluia. Ça veut dire que il faut quelqu'un qui préside la réunion. La Bible nous a montré, quand vous lisez Actes, c'est comme si c'était Pierre qui faisait tout. Mais il exerçait simplement le don de gouvernance. C'est pour ça que la Bible pose la question dans 1 Corinthiens 12, verset 28, en disant, tous ont-ils le don de gouverner? Le don de gouverner, c'est le don de présidence. Jacques l'avait, Pierre l'avait, Paul l'avait. Mais c'est pour ça qu'il y a certains disciples, vous n'entendez pas parler de ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillaient pas. Chacun avait son rôle. Amen. Maintenant, ce n'est pas le concours où chacun va venir se mettre devant. Il y a ce qu'on appelle, pour mieux expliquer le don de présidence. Quand vous avez les moutons, il y a ce qu'on appelle la brebis meneuse. Quelqu'un dit la brebis meneuse. La brebis meneuse, ça c'est en science. Vous pouvez aller faire les recherches dessus. En science, la science nous prouve que quand les brebis sont réunies, il y a une brebis qui se détache, les autres la suivent. Ceux qui ont le don de présidence, ce sont des brebis du Seigneur. C'est pourquoi ils n'ont pas le droit de dire « mes brebis ». Jésus seul a ce droit-là. Maintenant, ceux qui ont le don de présidence sont comme la brebis meneuse. Et la brebis meneuse, quand elle se détache, si elle va entrer dans le trou, toutes les autres brebis vont entrer dans le trou. C'est pour cela que ceux qui ont le don de, qui veulent exercer le don de présidence, s'ils conduisent mal le peuple de Dieu, c'est pourquoi la Bible les appelle les conducteurs. Sinon, s'ils entraînent le peuple de Dieu dans l'erreur, c'est fini. Et là, ils rendront compte pour cela. Et en fin de compte, la Bible parle que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Le don de miséricorde ou d'assistance, là-bas, c'est le diaconat. Amen. Qui règle les questions sociales, les questions de discipline, les questions qui peuvent se présenter, les problèmes sociaux qu'ils peuvent avoir en une assemblée. Donc voilà la classification des dons dans l'Église. Merci. Nous allons sortir avec une question qui dérange par moments, qui gêne les finances, ou soit l'argent. La gestion financière, que doit-elle être dans l'Église? Amen. J'imagine donc que c'est une question qui devrait nous être posée, chacun de nous tous, n'est-ce pas? En fait, si nous comprenons le fonctionnement du corps de Christ tel que tout est présenté ici, nous devons comprendre que nous avons chacun de nous un rôle. Amen. Dis à ton voisin, tu as un rôle. Si quelqu'un doit bousculer la personne, on n'est pas venu ici, ce n'est pas la conférence du sommeil. Dis à ton voisin, ce n'est pas la conférence du sommeil. En fait, ce sont des gens qui ont l'habitude de bruit. On fait le bruit comme ça, on croit qu'il y a l'onction. Nous sommes ici pour la parole. Amen. Voilà pourquoi quand c'est calme comme ça, il veut dormir. Alléluia. Il faut que vous riez comme ça pour rester encore en veille. Réveille-toi, toi qui dors, et la parole t'éclairera. Amen. La finance. En fait, vous voyez, moi je suis trop sensible avec l'histoire des finances, je n'ai même pas parlé de l'argent. Mais Dieu m'a appris que ça fait partie intégrante du ministère. Tous ceux qui me connaissent savent que ces histoires-là, je m'en fous de cela. Mais on ne peut pas avancer à l'œuvre de Dieu sans les finances. En fait, quand on dit par exemple que les gens ne vont pas payer les dîmes, les chichas disent « Ouf, on m'a tellement travaillé là-bas ». Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on n'a pas compris. Quand on dit que on ne paye plus les dîmes, on ne fait pas ça par désobéissance. Vous comprenez cela, hein? C'est tout simplement parce que la parole de Dieu ne nous dit pas de le faire. Mais maintenant, si nous regardons ce que la parole nous dit de faire, il va falloir que nous le fassions. Nous sommes d'accord? Ok. Maintenant, si nous lisons les actes des apôtres, à partir du chapitre 2, vous allez voir comment la Bible déclare que quand les gens étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Quelqu'un dit en commun. Ça montre encore que cette assemblée-là forme une famille, d'accord? Il n'y a plus rien. Quelqu'un ne disait plus que ceci, j'ai ceci en propre. Nous parlons des finances au sein de l'Église maintenant comme ça. Ce n'est pas pour vous dire que on voit une femme qui est brune avec, on sait qu'elle utilise Chanel Paris. On dit, oh, si elle achète Chanel Paris, ça suppose qu'elle touche au moins 200 000. Contacte-moi la sœur là. Je vois quelqu'un ici, le Seigneur me dit qu'il peut donner 3 millions pour soutenir le bâtiment là-bas. Il faut la délivrance des pasteurs et à cette sœur-là. Je vous dis, ce n'est pas de cette façon-là. La Bible déclare que tout se fasse avec libéralité. Et si nous lisons, on peut lire 1 Corinthiens au chapitre 16 pour commencer par là. 1 Corinthiens au chapitre 16. Nous avons commencé ça hier pour voir par rapport à la géographie de l'Église. Mais ça a parlé de quelque chose en citant la géographie de l'Église. Donc vous voyez, dans ce verset-là, il y a plusieurs choses qui sont révélées. 1 Corinthiens chapitre 16, à partir du verset 1. 1 Corinthiens chapitre 16, à partir du verset 1. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. Alléluia. Voilà le Saint-Esprit réglant les choses. Tout le monde a compris. Pour ce qui concerne la collecte, quelqu'un dit collecte, en faveur d'un bâtiment. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? La collecte en faveur des saints. En fait, parce que les saints là sont le bâtiment de Dieu. Parce que les saints là sont le bâtiment de Dieu. Pointe quelqu'un dans le nez là à côté de toi. Dis, tu as besoin de moi. J'ai besoin de toi. Vous voyez, voici par exemple un bâtiment. Voilà pourquoi le corps de Christ est représenté par un édifice. Vous voyez, on dit que nous sommes les pierres vivantes. Cette pierre là, si vous regardez, si on casse ces murs, vous allez voir que ce sont des parpaings les uns les autres qui sont déposés les uns sur les autres, n'est-ce pas? C'est qui les colle sur le Saint-Esprit. C'est le ciment qui les lie là, c'est le type du Saint-Esprit. Baptisé dans un seul corps pour être soudé. Alléluia. Tout l'édifice bien coordonné maintenant se forme pour être une habitation de l'Esprit. En fait, ça veut dire que si nous fonctionnons les uns les autres comme nous voulons, l'habitation du Saint-Esprit sera permanente et perpétuelle au milieu de nous. Il dit, en ce qui concerne la collecte en faveur des saints, en faveur des saints, c'est ici donc l'occasion de dire ceci. Nulle part dans la Bible, ne verrez jamais les apôtres susciter un appel de fonds pour construire une église. Il n'y a pas ça, frère. Il n'y a pas les différences. On dit que l'onction du prophète, quelqu'un fait de prophétiser, dit qu'il donne l'onction du prophète. L'autre m'a dit la dernière fois là qu'il y a les collectes pour le sacrifice de perpétuité. Comment vous appelez ça? L'équipabilité. Tu te culpabilises pourquoi? Christ a payé le péché, le prix que le Seigneur a payé là, c'était insuffisant. Qu'il faut encore donner des sacrifices. L'autre a dit qu'on va aller brûler tes péchés au Mont Cameroun. En fait, il va vous donner au Dieu des chats, le chat de Mont Cameroun là. Que traitez-les encore bien. Amen. Il dit en ce qui concerne la colère en faveur des saints, il dit agissez vous aussi comme je l'ai adressé aux églises de la Galatie. Ça suppose que ce qui est vrai pour l'église de Corinthe est vrai pour l'église aux églises de la Galatie, est définitivement vrai pour toutes les églises de toutes les époques. Amen. Il dit que chacun de vous, quelqu'un dit y compris toi, y compris aussi moi. Vous voyez? En fait, ça suppose qu'il y a, puisqu'on a présenté les dons ministériels, les dons, il y a le don de l'assistance là-bas, l'assistana. Voilà pourquoi les diaconés étaient à l'intérieur. Il dit que mettez chacun de vous chez lui, le premier jour de la semaine, quand on garde ces choses-là, selon sa libéralité, selon sa prospérité. Il y a des gens qui sont allés entrer dans des prêts pour venir s'aimer. S'aime pas la foi. Et là, la réunion prêter 50 millions, ça va te traiter. N'invite pas Dieu dedans parce que ce n'était pas Dieu qui t'avait envoyé aller prêter. Vous comprenez cela? Les gens partent, ils bouffent les réunions, au lieu d'aller nourrir les enfants, nourrir les familles. Il dit qu'il va me donner à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, toi tu es femme de Satan. Amen. Donc la finance de l'église, vous devez comprendre que si une soeur est à côté de toi, elle n'a pas de l'emploi, on doit la soutenir. Voilà pourquoi, regardez très bien que cette église-là à qui l'apôtre Paul est en train d'adresser, ils n'ont pas besoin de ces choses-là. C'est pour ça qu'il est en faveur des saints, parce que ces choses-là devaient être réunies pour envoyer à Jérusalem, parce que c'est les saints qui avaient là-bas qui avaient le problème. Voilà pourquoi quand on vendait les champs, on venait les déposer au pied de l'apôtre, les apôtres distribuaient selon les besoins. On ne disait pas que, comme nous sommes 40 ici, comme c'est 40 millions, chacun a 10 millions. C'est pas ça. Vous comprenez? Égalité pour tous. Faut sortir des ONG. Vous comprenez? Ça veut dire que si moi je n'ai pas besoin de l'argent, on ne me donne pas l'argent. On donne à la personne qui a besoin. Et dans ce cas, il n'y a pas de jalousie. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare, remarquez très bien, si vous lisez Actes chapitre 6, qu'on a cité tout à l'heure là, si vous regardez particulièrement ce qui étaient les gens qui murmuraient dans l'église, Dieu a choisi les gens du peuple, les gens des nations, qui sont tous les sept noms des gens qu'on a pris là, ce sont les gens des nations qui ont été convertis pour établir aux choses de Dieu, les choses villes, les gens qui sont des gens villes qu'on choisit pour établir pour l'œuvre. Donc, pour ce qui concerne la liberté, dans le Nouveau Testament, la liberté concerne deux cas. Je dis la collecte concerne deux cas. Et chacune des fois, vous allez voir que c'est en faveur des saints. Vous prenez depuis les Actes des Apôtres, chapitre 2, chapitre 4, chapitre 5. À partir de, vous voyez comment quand on vendait les choses, c'est qu'on en faisait. Voilà pourquoi, pour montrer que chacun est libre de donner, il faut donner pour qu'il n'y ait pas d'hypocrisie. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a puni Anania et sa fille, Saphira. En fait, si vous comprenez que vous êtes en Christ et que Christ est en vous, vous ne vous appartenez point à vous-même, alors toi, ton corps, ton âme, ton esprit, tout ce qui t'appartient, appartient désormais à qui? Dans ce cas, tu es administrateur tout simplement. Tu es gestionnaire et Dieu va te demander des comptes. Voilà pourquoi le frère disait tout à l'heure que si tu travailles dans quelque part, Dieu t'y a positionné. Il a les yeux sur ton emploi. Vous comprenez? Donc quand Dieu j'en donne, on ne paie pas la dîme, ce n'est pas pour que vous vous rébelliez, non. Si on ne paie pas la dîme, maintenant revenons au cadre que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu attend de nous à ce que si nous regardons que les saints sont dans le besoin, nous devons pouvoir. Si nous ne savons pas comment faire, la Bible nous enseigne que ceux qui président, on vient déposer à leur pied. C'est ici maintenant que le pasteur peut être corrompu. Parce que les apôtres pouvaient l'être, avec tous les biens qu'on vendait pour venir déposer à leurs pieds. Ils pouvaient fonder un ministère à l'intérieur pour dire qu'on met une barrière ici. Voilà pourquoi les pasteurs qui font les entreprises, ils mettent plutôt les cousins, les relations là, pour que quand l'argent entre, personne ne sort. Il y a une femme d'église qui m'a dit que, comme elle était à la caisse, l'argent est entré 400 millions dans cette église-là. Et le pasteur lui a dit que ne mets pas 400 millions, parce que 400 millions, les gens d'en haut vont mettre l'œil ici. Vous comprenez cela? Que la colère est entrée, beaucoup vont dire que pourquoi? Parce que c'est que si sa place est menacée, on va l'envoyer dans un coin de brousse, l'affecter là-bas. Parce que c'est dans ces grands temples-là, beaucoup de personnes entrent. Il ne faut pas inscrire qu'il y a beaucoup d'argent qui entre. Sinon, quelqu'un va nommer son beau-frère là-bas qui va conduire la chose là. Est-ce que vous comprenez bien aimé? C'est pas comme ça. Donc on dit qu'on vendait des choses, on venait mettre au pied de l'apôtre. Les apôtres faisaient pas, ce n'était pas pour les apôtres. Parce que ce sont eux qui connaissent les besoins. Ils ont la direction. Amen. On connaît maintenant que voilà tel diaconé. Voilà pourquoi on dit dans 1 Timothée, parlant des différents ministères des diacres et des diaconesses, qui sont ceux qui doivent servir à table et autres là, on dit qu'on les éprouve d'abord. Il y a des gens comme ça, vous donnez 10 000 en vous tournant. Il a déjà fait le plan sur les 10 000 de l'église là. Vous comprenez? On dit qu'on les éprouve d'abord. Tu lui donnes un billet de 10 000, ça lui dit que tu as noté les numéros. Après 5 ans, tu demandes les 10 000. Si tu te donnes 10 000 en 10 000 francs, ce n'est pas quelqu'un qui est digne de confiance. Il va prêter ton argent, aller vendre ça à usure. Amen. Quand c'est l'argent de Dieu, c'est l'argent de Dieu parce que c'est l'argent des saints. Voilà pourquoi tout ce que tu vas manquer à faire à ton frère en Christ, tu vas manquer de faire ça à Dieu. Voilà pourquoi si tu travailles, tu dis que mon argent, tu es cuit devant Dieu. Parce que la Bible déclare qu'ils avaient tout en commun. Nous devons mettre les uns les autres au service des dons que nous avons reçus. Pourquoi nous mettons le don d'enseignement que nous avons reçu à votre disposition? Nous vendons cela, c'est parce que c'est notre rôle. Alors, si ton voisin à côté de toi a besoin de l'argent, c'est toi de soutenir. Amen. Dans ces Actes des Apôtres, chapitre 21, nous avons parlé du cas des filles qui prophétisaient et d'Agabus. Vous voyez, quand Agabus a prophétisé qu'il y aurait une famine sur la terre, cette direction-là montrait maintenant clairement que les saints devaient expliquer, exprimer leur amour. Remarquez encore qu'au verset 11, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible, ils décidaient, les saints décidaient de pouvoir aux besoins des saints qui étaient dans le besoin. Donc, chacun a dit, ok, maintenant, comme la famine arrive là, qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, ils ont pensé à leur frère bien-aimé, le frère en Christ. L'autre n'a pas dit ma grand-mère au village. Ils ont pensé au frère en Christ. Chacun a mis à part. Je veux qu'on liste là pour qu'on tout le monde voie. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 21, à partir du verset 4, verset 8. Allons-y. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous logeâmes chez lui. Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Quand nous entendîmes cela, et ce... Prenez Actes chapitre 11, c'est ça? Acte chapitre 11, lisez le verset 26 à 29, verset 26 à 29, c'est là. Donc là, c'est une deuxième prophétie d'Agabus, là. Acte chapitre 11, verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Alléluia. Vous avez vu la réponse automatique des frères pour montrer que l'amour était parfait. L'amour était parfait dans le corps de Christ. Directement, ils ne sont pas des églises, ils ne connaissent pas les frères en Christ qui sont en train de souffrir là-bas. Mais directement, la réaction c'est, si aujourd'hui on dit qu'il y aura la famine à Douala, comme on a dit qu'il y avait les élections, il va y avoir guerre, les gens ont dit qu'il va y avoir guerre. La réaction de chacun c'était quoi? On achète le riz, on garde à la maison avec les tomates, que ça peut être fort là dehors. Si c'est fort pendant 4 mois, tu vas manger le riz là, ça va finir, tu vas faire quoi? Vous voyez, la chose à faire, c'est ceci, bien aimé. C'est s'aimer dans la vie de la soeur qui est dans le besoin. Parce que la Bible déclare que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. La Bible déclare que tel fait le riche et il est pauvre. Tel qui donne abondamment est davantage enrichi. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans les ministères de prospérité, on oriente ces versets-là vers le pasteur, vers un groupe d'hommes. Vous comprenez cela? Il faut qu'on vous incite à être libéral, à donner de la liberté les uns les autres. Vous n'avez pas besoin de passer par votre pasteur, vous n'avez pas besoin de faire des cérémonies. Celui qui voit dans le secret voit l'œuvre que vous faites à chacun de ces frères-là. Amen. Parce qu'en fait, nous sommes les uns les autres membres d'un seul corps. Est-ce que vous allez un jour, quand vous lavez, votre main a refusé de laver les pieds? Hein, bien aimé, votre pied voulait aller quelque part, les yeux qui ne regardent pas dans cette direction, parce que tout est coordonné par une tête qu'on appelle Jésus. Alléluia. Donc la liberté doit se passer dans l'église ainsi. Il dit, sentez-vous à l'aise, donnez la libéralité. Donc quand on dit qu'on ne paye plus le dîme, ça ne veut pas dire que c'est arrêté. Ça veut tout simplement dire que les gens sont en train de voler de l'argent de façon usurpative. Amen. Il faut seulement donner selon les moyens. On ne doit pas vous imposer, si un homme de Dieu vous dit que donnez 1000 francs, chacun donne 1000 francs, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne donne pas à un amant, à moins que ça ne soit que de façon collective. Vous avez dit qu'il faut que nous achetions telle chose. Par exemple, laissez les pour faire les enseignements. Si vous voulez faire comme ça, là, vous pouvez pouvoir, faites-le. Mais que ça ne soit pas qu'on vous impose cela. On n'oblige personne. Mais le problème, c'est qu'il va falloir qu'on enseigne aux gens à comprendre que tout ce qu'ils ont, c'est pour Jésus, Jésus le Sauveur. Quand vous avez été sauvé, vous avez été sauvé avec tout ce qui vous appartient. Là, pourquoi quand on vole ton portable, tu dis que mon portable, il y a quelque chose qui ne va pas? Si quelqu'un entre chez toi et prend la télévision, tu dis que prends le DVD, tu as oublié même la Bible qui te va prendre. C'est la chose de Jésus. Si je dis que c'est ma maison, Jésus qui dit ok, c'est ta maison, défends. Amen. Moi et ma maison nous servirons. Donc ça veut dire que quand tu dis toi et ta maison, c'est toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. Là où il y a la caisse de l'argent où tu gardes, sauf la partie là, n'est-ce pas? Hein, bien aimé. Sauf la partie là, quelqu'un dit tout, absolument tout, appartient à Jésus. Alléluia. Donc j'ai dit donc tout à l'heure qu'il y avait deux cas de collecte dans la Bible. Tout le monde comprend? Deux cas seulement. Dans le Nouveau Testament, à moins que vous avez le 67e livre de la Bible, je ne connais pas. Il y en a 66. Et le Nouveau Testament écrit, tout a été établi par les apôtres. Là-bas, nous avons vu que les collectes servaient d'une part pour... pour les, en faveur des saints. Tout le verset qu'on a pris là, c'est en faveur des saints. Ce n'est pas en faveur des ministères. Il y a un deuxième type maintenant. La Bible déclare que ayez au milieu des frères qui président, qui travaillent dans l'œuvre de la prédication, de la différence pour eux. Et vous allez voir quelque part, l'apôtre Paul donne la recommandation par rapport au docteur Zénas, que sont les gens qui ont travaillé pour le Seigneur, que soutenez-le, aient soin de pourvoir à leurs besoins pour le voyage. Donc ça veut dire que voilà les deux cas seulement dans la Bible, pour envoyer les missionnaires. Tout le monde comprend ça, hein? Par exemple, si tu te sens partie intégrante du corps et que tu peux, selon ta libéralité, et que par exemple, on nous invite quelque part à aller prêcher cette nouvelle-ci quelque part dans le pays, c'est de la volonté de Dieu parfaite que nous allions partout pour annoncer la parole. Vrai? Alors, si nous n'avons pas les moyens et que vous pouvez pouvoir, alors c'est votre responsabilité en tant que corps de pouvoir afin que nous allions là-bas. En fait, si on le fait, personne ne sera glorifié. Chacun recevra pour sa part. Parce que si tu donnes 10 francs, Dieu connaît que tu as donné. Si tu as 10 000 avant que tu donnes 5 francs, tu dis que non, ces gens-là exagèrent. Tu es Anania et Saphira. Dis à ton voisin Anania et Saphira. Et ce qui leur est arrivé, ça t'arrivera. Vous comprenez cela? Voilà pourquoi il dit que si celui qui sème pour la chair, et il retira quoi? La corruption, n'est-ce pas? Mais ceux qui s'aiment pour la vie éternelle. Parce que 100 francs que tu donnes, on imprime la brochure. Comme par exemple, voilà, si les CD, on en dit, si quelqu'un se met garant, par exemple, à acheter les CD, on imprime le message, on envoie. Vous ne savez pas où le message va tomber. D'abord, un, vous ne savez pas comment, par exemple, le témoignage qu'on a fait, comment c'est venu. La soeur est à Londres, ou c'est où là? À Dublin, c'est quelque chose comme ça? En Irlande. Comment c'est venu? Quelqu'un est arrivé comme ça, on a gravé. C'est arrivé à vous. Cette CD ne vous a-t-il pas béni? Vous savez combien de personnes ont financé? Non, n'est-ce pas? Mais la bénédiction est là. Dieu connaît tous les itinéraires, tous les traits d'union qui ont eu lieu jusqu'à ce que ça arrive à vous. De la même façon, vous devez mettre tout ce qui vous appartient au service du Seigneur, pas au service d'un homme. Amen. Et chacune des choses que vous voulez faire, assurez-vous que ça soit scripturaire. Parce que quand il voit les gens font de la collecte pour aller construire le temple, comme fait le temple, il prend l'exemple de Salomon. Vous voyez, on est dans l'Ancien Testament. Salomon, c'était un diacre ou un ministre de Dieu ou quoi que ce soit. C'est hors du cadre de l'église. Si quelqu'un prend n'importe quoi dans chaque assemblée pour vous dire, si vous dites frère, s'il prend l'Ancien Testament, dit, parce que nous faisons quelque chose ici chaque fois, nous prenons l'Ancien Testament pour nous montrer l'image claire dans le Nouveau Testament vrai. Cette construction du temple-là montre clairement comment Jésus devait construire son temple, qui est nous. Amen. On a pu rentrer là-bas que Salomon faisait telle ou telle chose. C'est toi qui est le temple. Dans Hébreux 3, la Bible déclare que Moïse était sur son temple comme serviteur. Jésus-Christ l'est sur sa maison comme fils. Et sa maison! Sa maison, dans ce cas, quand on dit donc apporter la maison, qu'on construit la maison de Dieu, vous partez donner quoi? Il y a deux maisons de Dieu. Il y a deux maisons de Dieu. Quelqu'un dit la maison de Dieu, c'est moi. Amen. Donc ça veut dire que s'il faut construire quelque part, ça suppose que les gens, prenons un cas par exemple, n'est-ce pas? Un cas pratique pour que nous comprenions ceci. Les femmes sont dans la rue par exemple, elles font de la prostitution. Vous dites que ça ne vous concerne pas, ça vous concerne. Si ton mari est beau, elles vont le pêcher dehors. Vrai? Alors, il faut qu'on les annonce l'évangile pour que les prostituées quittent là-bas. Vous, si vous voulez aller cacher dans les murs, vous chassez les démons de prostitution. Quand vous allez sortir là-bas, elles seront là-bas au carrefour. Ça va s'arrêter? Ok. Maintenant, si on pourvoit, on a les évangiles, les choses d'évangélisation, on vient les évangéliser. On les attrape dans les mains du diable, n'est-ce pas, bien-aimés? On les amène dans la maison de Dieu. Pourront-elles encore faire la prostitution? Ok. Maintenant, comment elles peuvent faire la prostitution? Elle doit faire quelque chose pour vivre. Si elle a besoin d'apprendre un métier, c'est là où nous devons pouvoir. Voilà la construction de la maison de Dieu. Amen. Hier, quand le panier à offrande est venu ici, j'ai entendu quelqu'un qui a dit dans la foule, « Encore, tu dois te repentir. » Parce que, vous savez, nous avons organisé ce programme par la foi. Vous le comprenez? Quand nous parlons, nous ne disons pas des choses en l'air. Nous avons fait tout ceci pour que vous soyez bénis. Regardez le nombre de versets bibliques qui sont sortis depuis le début. Vous pensez que ça a été fait comme ça, hein, parce que parfois nous aimons trop la facilité. Chacun doit jouer sa partition. Amen. Il y a toutes ces choses, tout ce matériel qui a été loué, toutes ces choses. On n'avait rien, c'est pas la foi. Et le Seigneur a honoré. Et nous croyons que si le Seigneur t'a amené ici, ce n'est pas en vain. Alléluia. Donc il nous reste 2 jours. Demain, il n'y aura pas réunion parce que nous allons prendre une pause. Étant donné que le propriétaire de la salle, il y a un autre programme ici demain. Le programme s'arrêtera jusqu'à 22h. Donc, on ne pourra pas utiliser cette salle demain. Donc, ça signifie que demain, il y aura une grande pause et nous reviendrons. Et ça nous donnera le temps d'aller digérer ce que nous avons déjà reçu. Pas vrai? Parce que ce qui est venu là, ça a secoué beaucoup de choses qu'on avait déjà emmagasinées dans notre tête. Donc, le Seigneur nous donne l'opportunité d'aller encore examiner à la lumière des Écritures. Et maintenant, nous nous retrouverons samedi. Samedi, nous allons parler du sujet majeur. De cette conférence-ci, c'est-à-dire tous les problèmes qu'on a dénoncés là, ça tourne autour d'une seule chose. Et nous allons parler de cela samedi avec un grand exposé documentaire avec beaucoup d'images et de vidéos pour appuyer cela. Et par la grâce de Dieu, dimanche, on reviendra toujours ici à 16h pour la clôture qui sera la dernière journée et les conclusions qui s'imposent à la lumière de tout ce que le Seigneur va nous communiquer. N'oubliez pas, celui à qui on a beaucoup donné, il lui sera beaucoup demandé. Donc si vous avez les questions, envoyez les questions, vous pouvez mettre votre contact même dessus. Quand vous envoyez les questions, ça va nous permettre de pouvoir vous répondre. Et quand vous vous enregistrez au secrétariat, s'il vous plaît, précisez votre fonction dans le corps de Christ. Parce que nous aurons des ateliers avec les ouvriers. Donc le Seigneur permettra qu'on puisse travailler aussi longtemps qu'il le permettra. Okay? Donc si vous avez les questions, quoi que ce soit, vous communiquez. Invite d'autres personnes. Amen. Comme demain il y a la pause, ça nous permettra de graver ces CD-là à tête reposée. Et ainsi, à partir de samedi et dimanche, on n'a pas le droit d'en vendre. On est d'accord? Oui. Voilà. Amen. On se comprend. On fait ces CD-là. C'est pour distribuer gratuitement. Parce qu'on a reçu ça gratuitement. Amen. Merci. Merci pour ces précisions. Merci également pour cette communication. Excusez-moi du peu. Pour dire que donner gratuitement, c'est la parole qui est prêchée, comme ce qu'ils étaient en train de faire. Voilà l'eau gratuite. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind the stone, you lived to die, rejected and là-bas.